your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you. Baby, it was me, maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way. Je vous l'annonce, on va avoir une putain de belle journée aujourd'hui. J'adore ces journées où dès le début, même avant d'avoir commencé l'émission, on est déjà en retard. ça me plaît. Il est 6h01. Qu'on amène le coq. Dans 10 minutes, pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde, c'est les concons du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter leurs histoires pour bien démarrer la journée. On va s'écouter Dadju et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. L'été joue encore les prolongations aujourd'hui avec toujours beaucoup de soleil sur la plupart des régions. Seule la Bretagne et l'Occitanie retrouvent la pluie, en particulier ce matin. Les températures reculent un peu mais restent assez douces aujourd'hui. 16 degrés à Quimper, 19 au Havre et à Angers, 20 degrés à Lens, 22 à Toulon et 25 pour les maxi à Auxerre aujourd'hui. Et dans l'actu ce matin, il est à la recherche d'un second souffle. Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision hier après son premier remaniement ministériel majeur. Le président promet de garder le cap avec l'arrivée de 4 nouveaux ministres à la culture, à l'agriculture et à l'éducation nationale notamment. Christophe Castaner, le chef du parti En Marche, devient ministre de l'Intérieur. Des étendues d'eau marron à perte de vue, les habitants de l'Aude commencent à peine à évaluer l'ampleur des dégâts après les pluies et les inondations qui auront ravagé plus de 70 communes. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 13 morts. Hier, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 300 euros par personne sinistrée. Sur place, la prudence reste de mise. Aujourd'hui, le département est toujours placé en alerte orange ce matin. On déteste leur retard et leur sandwich en voiture-bar aussi. Pourtant, les trains restent le meilleur moyen de se déplacer pour les Français. La SNCF a vendu près de 70 millions de billets depuis le début de l'année. Un très bon chiffre en hausse par rapport à 2017. Les trajets low-cost Ouigo ont trouvé leur public avec 20% de fréquentation supplémentaire. Hier, la SNCF a également dévoilé sa nouvelle appli destinée à mieux nous informer en cas de perturbation. À l'étranger, il n'y a pas que la feuille d'érable qui pousse au Canada. Le cannabis devient officiellement légal dans tout le pays à compter d'aujourd'hui. À partir de 18 ans, il est désormais possible de le cultiver, de l'acheter et d'en consommer librement à condition de le faire chez soi et pas dans la rue. En France, on réfléchit à une autorisation pour un usage thérapeutique, mais la plante reste pour le moment totalement interdite sous peine d'une amende et même d'emprisonnement. Du sport et une réaction de champion, les Bleus ont été menés mais ils n'ont pas tremblé face à l'Allemagne hier soir en Ligue des Nations. Victoire 2-1 grâce à Antoine Griezmann, auteur d'un doublé. Il faudra maintenant emporter ou faire match nul contre les Pays-Bas. Ce sera le 16 novembre et on pourra prendre la tête de la poule et passer au tour suivant. Les Allemands, eux, par contre, sont officiellement éliminés de la compétition. Un voyage spatial, des courses poursuites et un alien un peu caractériel au ciné aujourd'hui. Le programme de sortie est chargé, à commencer par First Man avec Ryan Gosling dans la combinaison de Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. Omar Sy, lui, se la joue Eddie Murphy dans Le Flic de Belleville, une comédie policière entre Paris et Miami. Enfin, le monstre mythique Predator revient tout dégommé dans une suite de la saga des années 80. Voilà pour vos infos. Manu, dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Mercredi. Bonjour Paulette. Allez, debout là-dedans. Bonjour Glandu. Danse de la joie. Bonjour Nico. J'ai cassé mon lacet. Et bonjour papa. Quoi? Allez, ça commence. Si t'as cassé ton lacet, c'est important d'en parler. Mais ouais, putain, c'est nul. Je viens de refaire mes lacets, j'ai cassé mon lacet, putain. Regarde, ça c'est galère. Mais c'est pas galère, c'est nul, c'est chiant, putain. La journée de la loose, ça démarre mal. Ah là, c'est vrai que quand tu casses un lacet. Bah, tu connais le dicton, qui casse un lacet le matin meurt dans la journée. Mais peut-être. Mais peut-être. Non, mais même ma chaussure, elle me lâche, quoi. Merde. Non, c'est chiant de casser un lacet parce que tu te retrouves comme un con. Bah oui. Faut que tu fasses un nœud. Ouais, voilà, mais un petit nœud, c'est chiant, c'est nul. Ah bah t'es obligé. Tout le monde va le voir. Sinon, tu mets du gros scotch autour. Ouais, c'est connu, les gros scotch pour les lacets. Ouais, mais ça tient là pendant la journée, quoi. Ouais, ça tient la journée. Bah, c'est comme ça que, par exemple, quand un immeuble, il y a des fissures dans le mur, on met du gros scotch. Le gros scotch, c'est vraiment pratique pour tout. Ouais, ça sert. Glandu, réparateur de maison de père en fils. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Tous les moins du matin sont là. On y croit un peu tendu parce qu'il a cassé son lacet. Oh, c'est chiant. Ouais, mais je vais dire un truc, Nico. Ouais. On va écouter Dadju dans un instant. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'il y a toujours pire que toi dans le monde. J'espère. Ce matin, tu pourrais être Paulette. Oh, t'es dégueulasse. Non, mais on en parle. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Elles sont magnifiques. Elles sont pas magnifiques, elles sont incroyables en fait. Non, mais excusez-moi, mais il faut qu'on parle absolument des bottes de Paulette. Mais tu sais quoi? Je crois que je ne pourrais pas marcher à côté de toi dans la rue là. Mais tu rigoles ou quoi? Elles sont magnifiques. Alors, elles ont une histoire. J'en ai pas vu, Nico. J'ai pas vu, elles remontent jusqu'à limite. Ouais. C'est son bassin. Eh ben, on appelle ça des cuissardes. Oui, Paulette aujourd'hui est venue en dompteuse de cheval. Oh non, non. Elle a mis des cuissardes. C'est du cuir ou c'est du. Bah, bien sûr que c'est du cuir. Ah bon, oui. ça fait faux cuir, pardon. Ah, pas du tout. Mais il est malade. Non, mais là, tu gâches un rêve. Tu gâches la moitié d'une vie. Attends, tu gâches mes yeux là. Paulette a mis des cuissardes aujourd'hui. Je sais pas quoi. Ce qui s'est passé. Je sais pas quoi vraiment en penser et d'où elles viennent et comment ça se fait que t'es venu avec et comment tu t'es dit je vais venir avec aujourd'hui, personne ne va remarquer. Ça fait un peu déguisement coquin, je trouve. Ah, mais totalement. Ouais, c'est pas du tout le but. Ne voyez pas ça comme ça. En fait, je crois que j'ai un petit problème d'achat compulsif. En ce moment, je n'arrête pas d'acheter. Ouais. Et là, j'ai vu une fille sur Instagram qui portait ses cuissardes, qui est une mannequin. Donc ça donne pas peut-être le même effet. Oh. Et donc je l'ai contactée. Je l'ai contactée et elle m'a dit où est-ce qu'elle les avait achetées. J'ai fait 3 magasins, j'ai passé la journée à ça. Bon, je suis pas très occupée, effectivement, tu peux le remarquer. Non, mais c'est bien de le remarquer toi maintenant. Mais attends, je le savais ça, que t'étais pas très occupée la journée. Hein. Non, quand mais on veut appeler Paulette la journée, c'est soit elle fait du shopping, soit elle fait une sieste. Et des fois, elle fait les deux en même temps. Elle fait du shopping, elle se met deux minutes dans une sieste. Et donc voilà, j'ai fait toute la ville et à 18h59, à 3 minutes de la fermeture du dernier magasin, j'arrive et là, la vendeuse me dit oui, je les ai. Vraiment, je tiens la porte, je dis est-ce que vous avez ces chaussures-là, cette taille? Paulette, essaie d'expliquer pourquoi tu les as achetées. Mais moi, ça m'est égal de savoir toute cette histoire. C'est une vraie aventure, le vrai truc, c'est mais pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'elles sont belles. Parce que cet hiver, j'aurai chaud jusqu'en haut des jambes. Tu les mets pas qu'une fois, celle-là? Non, je les mettrai tout l'hiver. Ah non. Et souvent, il y a ton cheval qui est à l'entrée qui demande du foin. Wow. T'as 30 jours pour échanger ou rembourser, n'oublie pas. Dans non, tous les magasins. 15 jours dans ce magasin. Ouais, franchement, profites-en des aujourd'hui. Non, des fois que tu sois occupé dans les 14 prochains jours. Non, mais honnêtement, c'est très très. On va vous mettre une photo Ça te gêne qu'on fasse une photo tous ensemble avec les cuissardes? Ah, mais pas du tout, mais je les admire. Génial. Je les aime, je vais dormir avec. C'est ouf, elle a plus de recul, elle a plus rien peut-être. On l'a perdu quoi. Non mais c'est entre effectivement le truc ultra chaud quoi. Hein, ouais. C'est votre esprit mal tourné. Hein. On est border Jackie et Michel. Et n'importe quoi. Et le côté je suis venu à cheval. Ah ouais. Bah non Glandu, c'est toi qui l'as dit en premier. C'est vrai, Jackie et Michel, je trouve ça un peu trop. En plus toi qui fais de la moto, tu devrais adorer. Non, je fais de la moto. Il y a aucun rapport entre les motos et des cuissardes. Hein. Mais si ça fait un peu motarde. Mais non, tu vois bien même que le cheval il s'énerve là. Moi je les adore. Paulette ne les écoute pas. Elle est hyper mode. Paulette, elle est super branchée. Elle regarde tous les catalogues de mode. Moi, c'est mon influenceuse. Écoutez, je l'adore. Ah ouais. Je vais suivre tous ses conseils. Isa, le problème avec toi, c'est que si tu mets les cuissardes, elle t'arrive au cou. T'es dégueulasse. Alors là, on part très très mal ce matin, je vous le dis. Ouais, mais c'est vous qui avez commencé. On va prendre une photo de toute l'équipe avec Paulette en cuissarde. On va vous la mettre sur Facebook et Manu dans le 69.com. Il est 6h09. Oui, tu seras aussi sur la photo. Dadju sur Énergie, juste après les concours du jour. Bon réveil. Un peu de respect. une lionne arrive à digérer un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Non, non, non, non. Et tu peux lire sous ses paupières. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Bien comment gérer sa vie, charismatique, elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis, son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas de limites, fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Sur LRJ, il est 6h12, on va s'écouter Calvin Harris. Le titre qui fait que quand tu l'écoutes, tu le sens classe. Ouais. tu le sens smoking. Soit smoking parce que t'es James Bond et que t'es invité à une soirée, soit smoking parce que bah, tu bosses à la même soirée et que tu sers le champagne à James Bond. Hey, chacun son truc. Hein. Avant ça, voici les cocos du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires tous les matins. Nous démarrons en Israël. Un homme réussit à s'évader de prison et se cache pendant plusieurs semaines chez sa mère. Ouais. Wow. Jusqu'au jour où il en a marre et décide de partir à l'aventure en faisant du stop. Ouais. Mmh. Une voiture s'arrête. C'est le gardien de la prison. Mais non. Quoi ? Mais si. Oh, mais... Ah ouais. Oh là là. C'était statistiquement impossible que ça arrive et pourtant si, c'est arrivé. Là, c'était son destin, là. Fallait que ça arrive. Quoi. Ah bah le mec, exactement. C'est ça. Il fallait qu'il rentre en prison. Je pense que là, il a pas lutté. Il fait bon. Nous partons maintenant aux États-Unis. Sur le site internet Reddit, qui est un énorme forum mondial, je vous en parle régulièrement dans l'émission, un mec a posté une photo de deux petits outils qu'il avait découverts dans la boîte à outils de son père. Ouais. Et il demande en fait aux gens, mais à quoi servent ces outils? Je sais pas. Et les gens lui répondent. Et en fait, le mec s'aperçoit, grâce aux réponses des gens, que ce sont des petits jouets pour tétons. Pour des jeux sexuels sadomaso. Oh, mais non. Oh là là. Ah ouais. Et malaise. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on veut pas savoir sur ses parents, en fait. Hein. Je suis sûr qu'il est tellement content d'avoir posé la question. Et en plus, que maintenant, il l'a mis sur juste un forum mondial. Ouais. C'est-à-dire que là, tu fermes ton ordinateur et tu vas dormir une demi-heure. En Gironde, pour terminer, un médecin a été arrêté dans un hôpital alors qu'il y travaillait depuis 15 jours. La raison, il n'était pas du tout médecin. Il avait volé une blouse et il prétendait venir d'un autre service auprès de ses nouveaux collègues. Et il changeait comme ça. Sauf qu'à un moment, ils ont quand même remarqué que le mec était nul. Ouais. Ils ont appelé la police dans le doute et effectivement, le mec n'était pas du tout médecin. L'explication qu'il a donnée, c'est « je voulais apprendre un nouveau métier ». Ah ouais. Oh, mais non. Voilà, alors je vous rappelle que c'est pour ça qu'on a inventé les études de médecine. Ouais. Hein. Ouais. C'est pour éviter qu'on apprenne sur le tas pendant une opération et faire une partie de Dr Maboul en vrai. C'est ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. 6h15, on revient dans 3 minutes avec Calvin Harris sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu revient parmi ses ouin. Sur Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'avoue. 6h18, on va parler premier rendez-vous dans 3 minutes avec une simple question. Qu'est-ce que vous ne direz jamais à un premier rendez-vous? Vous vous retrouvez un premier rendez-vous dans votre tête, vous dites, si je dis ça, ce premier rendez-vous est foutu. Eh ben, c'est ça qu'il faut nous dire. Okay. 0-870-42-48, on vous prend au téléphone juste après Calvin Harris. Are you drunk or now? Now judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so don't.

Non, c'est moi, patron, je suis chez Lidl. Et en ce moment, pour Halloween, ils proposent saut de bonbons en forme de citrouille ou de tête de mort à 4,99€. Moins 5€ le saut, mais c'est des sorciers. Ah non, c'est le vrai prix. Votre petit-fils va faire une tournée de bonbons d'enfer. Et moi, je vais te jeter un sort, oui, tu es mal, hein. J'en ai bien peur. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Saut de 400 ou 500 grammes, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Leclerc. Juliette, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le PC portable HP de 17 pouces avec 4Go de mémoire et un disque dur d'un Tera, le tout 349€. Un PC HP avec un Tera ? 349€. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le PC portable HP 17 pouces avec disque dur 1 Tera octet, garantie 2 ans constructeur, est à 349€, dont 50 centimes d'éco-participation. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires. Oh, regarde le technicien qui répare la ligne haute tension. Il a pris son utilitaire avec lui sur la nacelle. Son utilitaire sur la nacelle ? C'est mon trafic d'occasion ! Il est beau, hein ? Ça aurait été dommage de le laisser en bas. Vous le voyez bien, là, mon trafic d'occasion ? Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018. Offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h31, on va écouter The Prince Karma. Ça arrive juste après les infos et dans moins de 10 minutes, c'est les sondages du matin. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Soleil et douceur encore au programme aujourd'hui sur toute la France, ou presque. Les nuages sont un peu plus présents sur les côtes avec des averses persistantes pour la Bretagne et l'Occitanie. On attend 18 à Lorient aujourd'hui, 19 à Rennes, 20 degrés à Arras, 21 à Lille. On profitera encore de 22 degrés pour les maxi Albi. Demain, la pluie s'imposera sur les Pyrénées et le soleil partout ailleurs. Et dans l'actu ce mercredi, adieu maillot de bain, bonjour pelle et sac poubelle. L'inquiétude monte sur les côtes du Var où les premières galettes de mazout se sont échouées hier. Elles proviennent directement de deux bateaux entrés en collision au large de la Corse la semaine dernière. Pour le moment, impossible de savoir la quantité de pétrole qui pourrait arriver. Un plan de nettoyage a été déclenché. Les plages sont fermées de Ramatuelle jusqu'à Saint-Tropez. Droit dans ses bottes, Emmanuel Macron a promis de garder le cap et d'être quand même un peu plus souple. Dans une nouvelle allocution télévisée hier, le président s'est exprimé à après son premier remaniement ministériel majeur, quatre nouveaux noms font leur entrée au gouvernement. Christophe Castaner, le chef du parti En Marche, devient ministre de l'Intérieur. Classique et court, c'est la tendance qui se dessine parmi les prénoms préférés des Français. L'officiel des prénoms se prépare à dévoiler son palmarès pour 2019. Et c'est encore Gabriel, Louis et Raphaël qui devraient s'imposer chez les garçons l'année prochaine. Côté filles, Emma reprend la première place à Louise et devance Jade dans le top 3. Un champion du monde sur le retour, événement à Monaco. Aujourd'hui, le club de foot doit officialiser l'arrivée du nouvel entraîneur Thierry Henry. L'ancien attaquant de la Principauté a pris discrètement ses fonctions en fin de semaine dernière après le départ de Leonardo Jardim. Et il va avoir du boulot. Monaco est 18e du championnat. Pour eux, en revanche, le moral est au beau fixe. Les Bleus se sont imposés 2-1 face à l'Allemagne hier en Ligue des Nations. Antoine Griezmann a inscrit un doublé après une première période plutôt compliquée. Prochain rendez-vous, ce sera le 16 novembre face aux Pays-Bas. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ryan Gosling se glisse dans la combinaison de Neil Armstrong pour First Man aujourd'hui au ciné. Dans ce biopic, le Canadien incarne le premier homme à avoir marché sur la Lune en 69, un exploit technique pour l'époque et une véritable aventure humaine. La conquête de l'espace était une aventure intense et dangereuse à cette époque. Et le film montre ça et aussi combien il était difficile de mener de front vie de famille et vie de cosmonaute de l'extrême. J'ai eu l'occasion de voir la capsule Apollo 11 en vrai et grâce à mes visites à la NASA, j'ai pu m'asseoir dans tous ces vaisseaux utilisés par les astronautes. J'en ai rencontré aussi certains qui ont été impliqués dans ces voyages. C'est une opportunité incroyable que j'ai eue, rien que d'y penser, c'est surréaliste. surreal. Voilà pour vos infos, retour de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Excusez-moi, mais je viens de voir une info. Ouais. Là, faut arrêter les conneries. Ah bon, voilà. Ce qu'il y a. On parle beaucoup du réchauffement climatique. Ah bah oui. On s'en aperçoit avec les inondations qu'il y a en ce moment, avec la chaleur dans certains endroits. On est en octobre aujourd'hui, on a des températures, c'est pas normal. C'est vrai. Ouais. Et là, je viens de lire un nouveau truc, les amis. Attention, vous êtes prêts à avoir froid dans le dos? Ouais. Vas-y. Le réchauffement climatique pourrait causer une diminution très nette des cultures d'orge. Oh non. Et l'orge? Oh non. On s'en sert pour quoi? Oh là là. Pour la bière? Pour la bière, mec. Oh non. Oh non, arrêtez ça. Il est temps d'agir. Ah ouais? Ah ouais, allez. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est un monde sans bière qu'on veut? Non. Non. Réagissez. Ah, vous êtes très motivés là d'un coup, hein. Ah bah oui. Chacun son combat. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je sais pas. MacLeod, donne-moi la force de lutter pour qu'on puisse avoir de la bière. Ne mangerai pas le prochain film de Steven Spielberg. Les faucheurs d'orge. Faites attention au réchauffement climatique, c'est important. Penser à un monde sans bière, c'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Oh non. Dans deux minutes, The Prince Karma avec les Turbid Cheese arrive. Juste après, c'est les sondages du matin, comme chaque jour pour vous. Avant ça, quelques infos. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a une sortie ciné aujourd'hui. C'est quoi? First Man, le premier homme sur la Lune, c'est avec Ryan Gosling. Oh, l'histoire d'Armstrong, l'homme qui a marché sur la Lune. Ça s'appelle First Man. C'est rigolo parce que t'enlèves une lettre, t'avais un film de cul. Fistman. Manu, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, pourquoi tu penses à ça? À quel moment? Alors, honnêtement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant le titre. Mais t'as gâché la magie, là. Je vais aller le voir au cinéma, ça va me... je vais voir Ryan Gosling dans des... Bon, après, ils le font pas dans le film. Ah oui, oui, oui, mais bon. Ça me passe pas parce que... Je sais pas, tu sais, ce qui se passe dans le scaphandre reste dans le scaphandre. qu'est-ce qu'on a comme journée mondiale? Aujourd'hui, on est le 17 octobre, journée mondiale du don d'organes. C'est bien. Bah c'est bien. Alors après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi honnêtement je suis prêt à donner mes organes globalement pour tout. Voilà. Ouais. Après désolé pour celui qui héritera de mon zizi, ça. Mais voilà, après vous prenez, franchement vous prenez ce que vous voulez, après c'est à vos risques et périls. Hein. Vous tombez, c'est quoi? C'est comme les pains surprises. T'ouvres. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Allez, 6h37, The Prince Karma sur Énergie. Et juste après, c'est les sondages du matin, comme chaque jour. Pour 10% des gens, c'est déjà fait. Déjà fait quoi? La réponse dans 3 minutes sur Énergie. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. my God, I'm so horny right now. I shouldn't have said that loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Bon réveil sur Energy, il est 6h40. Le pire. Oh non. Le pire. Le pire. Le pire. Manu. Quoi, j'adore faire Maître Gims. Ah, mais pas à chaque fois, si. Ah, si, à chaque fois. Comme un enfant. Quoi. Comme un enfant. Ok. Oh, ouais, écoutez, Maître Gims avec le pire. Le pire. Oh non. Le pire. Oh non. Ça arrive dans deux minutes. Avant ça, voici les sondages du matin, comme chaque jour. C'est parti. Ouais. Pour 10% des gens, c'est déjà fait. Qu'est-ce que c'est que c'est donc qui est déjà fait pour 10% des gens, Glandu? Se faire tatouer? Non, c'est pas ça. Avoir rencontré le grand amour. Non. Non, désolé. C'est une tâche ménagère à la maison ou pas du tout? Rien à voir avec les tâches ménagères, mais quelque part de loin, loin, loin, on pourrait le dire. Ah, c'est un truc sympa à faire, on aime bien le faire? Ouais, il y en a qui aiment bien le faire, il y en a, bon, allez, on va le faire. Ça dépend, mais en général, c'est plutôt positif, oui. C'est une action? C'est nous qui faisons quelque chose? Oui, absolument, c'est nous qui faisons quelque chose. Et c'est physique sur nous? Non. Ah. Ok, je vais vous donner la réponse, parce que vous me regardez tous avec des... Oui, c'est dur. Pour 10% des gens, c'est déjà fait, la maison décorée pour Noël. Ah ouais. Oh là là. Pour 10% des gens, ça y est, c'est réglé. Alors est-ce que c'est pas la déco de l'année dernière qu'ils ont pas enlevée? Ils ont juste rallumé. La légende dit que peut-être. C'est la première chose que feraient faire les femmes à leur partenaire s'il était sous hypnose. Imaginez les filles. Votre mec, vous pouvez le rendre sous hypnose et lui faire faire un truc, c'est quoi, Isabelle? Ramasser ses chaussettes. Ramasser ses... Bah, tu sais quoi? C'est pas si loin que ça, parce que la réponse, c'est le ménage. Ah bah voilà. Ah ouais. Voilà, bingo. C'est sympa. C'est vraiment la première chose que feraient faire les femmes aux hommes, c'est le ménage. Alors que si on pose la même question aux hommes, mais ça n'a rien à voir. On veut pas savoir. Et une sorte de ménage aussi. Oh non. Oh, le romantique. Manu, le célibat, le glamour, c'est terminé là. Ah, honnêtement? Ouais. Pour 20% des gens, c'est l'élément intérieur dans une voiture qui leur sert le plus. Qu'est-ce que c'est donc, Nico? Ça sert à conduire ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Non, non, rien à voir avec la conduite. Le sapin magique? Non, c'est pas ça. La petite glace? La petite glace, ah c'est pas idiot, mais c'est pas ça. La radio? Non, c'est l'élément intérieur dans une voiture qui leur sert le plus pour 20% des gens. Pensez à ce qu'il y a dans une voiture. C'est le truc où tu ranges la boîte à gants là? Non, c'est pas la boîte à gants. C'est le porte le porte-gobelet? Le porte-gobelet. Pour 20% des gens, c'est l'élément intérieur dans une voiture qui leur sert le plus, le porte-gobelet. Ouais. J'en fais partie. Mais alors pas du tout pour porter les gobelets, pour mettre les papiers sales. Ah oui, tu mets plein de trucs, ouais. Mais oui, dans le porte-gobelet, tu mets tout. Tu mets les papiers sales, en même temps tu mets les clés, en même temps tu mets un bonbon, en même temps tu mets ce que quelqu'un te donne, n'importe quoi, une carte de visite. Bref, le porte-gobelet sert à tout sans pas porter les gobelets. Ouais. D'accord. Vous savez quoi, c'est un bon sujet. Qu'est-ce que vous utilisez mal? J'utilise mal le porte-gobelet de ma voiture. Qu'est-ce que vous utilisez, mais pas du tout, pour son utilité de base? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Qu'est-ce que vous utilisez tous les jours, mais mal? Ça, c'est un bon truc. On s'écoute Maître Gims, le temps que tout le monde réfléchisse, et on se raconte ça après. Le pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours à la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge, je descends. Ou peut-être que tout simplement, je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre la journée ensemble. Et vous aimez pas quand je fais le pire pour lancer Maître Gims? Et ben il y en a qui aiment, la preuve on vient de recevoir ce message sur l'application Manu dans le 6-9. Salut Manu, moi aussi je sais faire Maître Gims. C'est pas génial? Alors, n'hésitez pas, je lance officiellement le concours Maître Gims le pire. Alvaro Soler arrive pour vous, ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas écouté, pour nous rappeler que l'été, il est encore là. Et oui. Avant ça, nous parlons des choses qu'on utilise mal. Il y a 5 minutes, je vous parlais du porte-gobelet que j'ai dans ma voiture, qui me sert à tout sauf à porter les gobelets. Bah oui. Ça sert en même temps de poubelle pour les papiers sales, en même temps de petit truc pour mettre les jetons pour les caddies au supermarché. Bref, on met tout dans le porte-gobelet, en tout cas moi, sauf des gobelets. C'est vrai. D'abord, qui a des gobelets? Bon. Qu'est-ce que vous utilisez, mais mal? 0 870 42 48. Paulette? J'utilise mon ancien bac de serpillière en tant que pot de fleurs. C'est-à-dire que dedans, j'ai mis de la terre. Et mais je l'ai lavé avant. J'ai mis des petites graines et ça a fait des fleurs qui ont poussé. Mais c'est pas très joli comme pot de fleurs. Oh, c'est original. Original mais pas joli. Oui, mais c'est pas obligatoire. Tu sais toujours que ce soit joli les choses. Les gens disent ouh, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Étonnant. Oui. Elle vient de parler comme une mamie, on est d'accord. C'est bizarre. Elle se rapproche petit à petit un truc pas bien. Le truc pas bien s'appelle la mort. Mais non. Steven, bonjour. Salut Manu, c'est Ouin. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu utilises, mais mal? Mon écran d'ordinateur fixe, j'utilise mal. Ton écran? Oui, vas-y. Moi, je l'utilise plus en tant qu'ordinateur, tu vois, il est devant l'entrée sur mon bureau, mais je l'utilise en tant que miroir. Tu vois, parce qu'il est éteint, bah, il réfléchit, et bah moi, je me coiffe devant. Ouais. Ça marche. Et t'essayes de jouer à des jeux vidéo sur ton miroir ou pas? Absolument, bah absolument pas, parce que j'ai pas une tête de Pac-Man. Mais en tout cas, ça me sert bien pour me coiffer le matin quand je pars. Écoute, mais pourquoi pas? Chacun utilise ce qu'il a envie d'utiliser, comme il le veut. Je vous rappelle qu'on ne juge personne, même si Steven, évidemment, il faut que tu consultes. Qu'est-ce que vous utilisez, mais pas du tout pour l'utilité pour laquelle il a été créé, Glandu? Moi, je me sers d'une passoire comme abat-jour. Pardon. Oulala. Non mais c'est vachement bien. Quand je fais des soirées, en fait, je la mets sur l'ampoule, sur la lampe, et ça fait une espèce de boule à facettes un peu low cost. Et non mais c'est assez sympa. Il y a pas différentes couleurs et ça tourne pas, mais ça crée une ambiance quoi. Mais tu sais quoi? Faudrait que j'essaye. Franchement c'est ingénieux. Parce que ça fait des faisceaux de lumière. Les gens sont impressionnés en général par cette inventivité. N'exagère pas non plus. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Mais c'est pas du tout l'utilité première de la chose. Marie, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les Ouin. On t'écoute. Alors, moi j'utilise mon vélo elliptique pour étendre mon linge quand il sort de la machine. Ouais, pratique. Mais Marie, je vais te dire un truc, je crois que le mec qui a inventé le vélo elliptique, au départ, il voulait tout simplement inventer un porte-manteau. Parce que globalement, tous ces trucs de fitness servent beaucoup plus pour porter les affaires que pour faire des muscles. Hein. Non mais vraiment, le nombre de trucs de fitness qui au départ est dans le salon qui termine à l'entrée, excusez-moi, ne prenez pas pour les cons. Donc en fait, Marie, je te le dis, tu l'utilises très bien. Parfait. Je t'en prie, Marie. Merci de nous avoir appelé. 6h49. Alvaro Soler sur Énergie. Dans 15 minutes à 7h05, pour la première fois de la matinée, on double votre salaire. Énergie.fr pour vous inscrire. Va causando impresión. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Vita et Slimane dans deux minutes. Et avant ça, si vous, comme nous, vous ne faites pas grand-chose de vos journées, vous allez sur YouTube évidemment, vous devez connaître McFly et Carlito, ces deux youtubeurs. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont très drôles. Ouais. Ils ont sorti un livre. Oui, parce qu'on peut être sur YouTube et savoir écrire. Ouais. À voir quand même. Qui s'appelle, leur bouquin, Le Dictionnaire Moderne. Ouais. Et le concept, c'est réécrire des définitions du dictionnaire en version 2018. Génial. Ouais. Quelques exemples. Concierge, BFM de l'immeuble. Excellent. Oui, c'est vrai. DJ, playlist Spotify qui transpire. C'est vachement drôle. Ouais, ouais. Ikea, immense magasin dans lequel des milliers de personnes tentent de trouver un vendeur disponible. Ah ouais. C'est vrai que c'est le truc d'Ikea. Ouais, c'est galère. Ananas, ingrédient qui divise quant à son association avec la pizza. Ah, oui. La fameuse hawaïenne. Ah, non. Batterie, meilleur cadeau pour l'enfant de quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est vrai. Encore des définitions modernes version 2018. Cocorico, cri qu'aucun coq ne fait vraiment. Ah, c'est vrai. Mais oui. Déodorant, douche sommaire.

Leclerc. Juliette, le 17 octobre. Ouais, bah quoi ? C'est la sortie de Deadpool 2 en vidéo. Génial ! Encore plus génial, 10 euros de réduction sur le Steelbook Blu-ray en édition spéciale Leclerc, avec le porte-clé de Deadpool. Oh, je prends le porte-clé. On verra. Du 17 au 30 octobre, le Steelbook Blu-ray Deadpool 2, édition spéciale Leclerc, avec 10 euros de réduction immédiate, est à 24,99 €. Disponible en ligne et en magasin, voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Deadpool 2, le 17 octobre, dans mon salon. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 13 octobre au 10 novembre, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les roues complètes été ou hiver. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Laure croise le responsable du rayon frais. Vous auriez de bons yaourts ? Oui, pour deux packs de 4 pots de lait fermenté sucré aux fruits au Bifidus Activia, variété au choix acheté, le troisième est offert, soit les 3 packs de 500 grammes à 2,42 €. 2,42 €? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère ? Dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinsu.com, soit 1,61 € le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, bougez plus. Christelle est éducatrice sportive municipale. Chaque jour, elle utilise sa voiture personnelle dans le cadre de son travail. Elle est sans cesse en train de changer d'endroit. Et pour cela, sa voiture lui est indispensable. Voilà pourquoi GMF assure sans surcoût votre véhicule personnel si vous l'utilisez pour votre activité professionnelle. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Leclerc. Juliette, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le PC portable HP de 17 pouces avec 4 Go de mémoire et un disque dur d'un tera, le tout 349 €. Un PC HP avec un tera ? 349 €. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le PC portable HP 17 pouces avec disque dur 1 tera octet, garantie 2 ans constructeur, est à 349 € dont 50 centimes d'éco-participation. Disponible en ligne et en magasin, voire modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Attention, je vous annonce une nouveauté dans l'émission. Ah. Dans 15 minutes on va faire ça, mais dans 2 minutes je vais vous expliquer la nouveauté qu'on va faire dans 15 minutes. Waouh. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Ah. C'est qui? Ah bah surprise, il faut patienter, ce sera après les infos. On va s'écouter Kenji et on double votre salaire juste après. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. L'été joue encore les prolongations aujourd'hui avec toujours beaucoup de soleil sur la plupart des régions. Seule la Bretagne et l'Occitanie retrouvent la pluie, en particulier ce matin. Les températures reculent un peu, mais elles restent douces. 16 degrés attendus à Quimper, on aura 19 au Havre et à Angers, 20 degrés à Lens, 22 à Toulon et 25 pour les maxis à Auxerre aujourd'hui. Et dans l'actu ce matin, il recherche un second souffle, mais ne change pas de cap. Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision hier après son premier remaniement ministériel majeur. Après de nombreuses démissions, le président a officialisé l'arrivée de 4 nouvelles personnalités à la culture, l'agriculture et à l'éducation nationale notamment. Christophe Castaner, le chef du parti En Marche, devient ministre de l'Intérieur. Les pompiers étaient encore à pied d'œuvre toute la nuit. Les habitants de l'Aude commencent à peine à évaluer l'ampleur des dégâts après les pluies et les inondations qui ont ravagé plus de 70 communes dans le département. Le dernier bilan sur place dans l'Aude est toujours provisoire. Il fait état de 13 morts. Hier, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 300 € par personne sinistrée. Sur place, la prudence reste de mise. Encore ce matin, le département est toujours placé en alerte orange. À retenir également ce matin, on déteste leur retard et leur sandwich en voiture-bar. Pourtant, les trains restent le meilleur moyen de se déplacer pour les Français. La SNCF a vendu près de 70 millions de billets depuis le début de l'année. Un très bon chiffre, en hausse par rapport à 2019. 2017. Les trajets low cost en Ouigo ont trouvé leur public également avec 20% de fréquentation supplémentaire. Hier, la SNCF a également dévoilé sa nouvelle appli destinée à mieux nous informer en cas de perturbation. Tapas, plage et soleil, c'est un peu cliché, mais c'est peut-être le secret de la longévité selon une étude sur l'espérance de vie. D'ici 2040, l'Espagne pourrait bien devenir le pays où aller la plus élevée avec une moyenne de 85 ans par habitant. La France est 8e du classement avec 82 ans. En revanche, les États-Unis pourraient dégringoler au 64e rang mondial. D'ici 20 ans, il faudra surtout se méfier du diabète et de l'obésité. Un statut de champion du monde, ça se prouve à chaque match et les Bleus l'ont bien démontré face à l'Allemagne hier soir en Ligue des Nations. Ils ont d'abord été menés avant de revenir au score et de s'imposer 2-1 grâce à Antoine Griezmann, auteur d'un doublé. Il faudra maintenant l'emporter ou faire match nul contre les Pays-Bas. Rendez-vous le 16 novembre pour prendre la tête de la poule et passer au tour suivant. Les Allemands, eux, par contre, sont officiellement éliminés de la compétition. Le secret de la potion magique en péril. Astérix prépare son retour sur grand écran avec une nouvelle bande-annonce pour son nouveau film. Le film d'animation signé Alexandre Astier s'inspire de l'album Le Devin où un sorcier tente de prendre le contrôle du village gaulois. Christian Clavier, Alex Lutz et Florence Foresti sont au casting pour le doublage. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. Energie.fr ou Manu dans le 69.com pour vous inscrire. Il y a Kenji qui arrive. Et avant ça, j'ai l'enseigne préférée des Français. Ah. C'est hier que l'enseigne préférée des Français a été dévoilée. Alors il y avait eu les autres années Picard, Amazon, Decathlon. Mm-hmm. Et bien en 2018, l'enseigne préférée des Français est Grand Frais. Ah, Grand Frais. C'est les magasins, je sais pas si vous êtes déjà rentré dedans. Ils proposent des produits frais, c'est un peu agencé comme des halles ou des marchés. C'est Grand Frais. C'est pas mal, hein. J'ose. Ouais, bah, moi, j'ose pas trop m'approcher de ce genre de magasin parce qu'il paraît que c'est rempli de légumes. Donc. Je vous rappelle que les légumes peuvent vous attaquer. Mais non. Ils peuvent vous sauter au visage. Ils sont très beaux, leurs petits légumes. Et en plus, il y a des petites douches comme ça qui les vaporisent. J'adore. Hein, ah, mais j'adore. Des légumes plus douche, c'est bon. On double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Cindy habite Aulnois-sous-Lon. C'est dans l'Aisne. Elle a 31 ans. Et elle touche chaque mois 1120 euros. Cindy, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Le téléphone sonne à Aulnois-sous-Lon. Attention, attention. Juste après, il y a Kenji qui arrive. Allô? Allô, Cindy? Oui. Cindy d'Aulnois-sous-Lon dans l'Aisne? Oui, c'est moi. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Oui! Fois 2, ça fait 2240 euros pour toi, Cindy. Ah, oh, merci, c'est super. Eh ben oui, c'est super. Et ça arrive très vite pour toi, on te double ton salaire, 2240 euros. Ah, c'est cool, c'est sympa, merci. Cindy est vendeuse chez Decathlon. Oh, wow. Et ben, tout à fait. Alors, t'es vendeuse dans les rayons ou t'es vendeuse à la caisse? Allô? Comment? Je demandais si t'es vendeuse dans les rayons ou si t'étais vendeuse à la caisse. Non, je suis vendeuse en rayon. Ah, quel rayon? C'est ton quoi, ton rayon à toi? Alors, c'est le rayon fitness. Oh. Ah, fitness. Ouais. C'est là où on doit faire des exercices. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, j'aime pas. Honnêtement, ça me stresse parce que le rayon fitness chez Decathlon, honnêtement, je ne comprends rien. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah, mais vraiment? Mais non, mais je comprends rien aux machines, vraiment. Mais Cindy, vous êtes des spécialistes justement de votre rayon ou vous êtes mis là par hasard? Non, non, du tout. Faut qu'il connaître un minimum. Ah, ah, c'est-à-dire que par exemple, imagine, il y a Bernard à l'équitation, il est malade. Ou alors, pire, il s'est fait écraser. Bon. Non, mais il va bien. Ah, d'accord. Alors, je donne des nouvelles de Bernard. Ouais. Ah. Bernard va mieux. Ouais. Effectivement, il s'est fait renverser. Il est en arrêt de travail pendant 4 jours, mais il revient mercredi. Ouais. Okay. Ah, merci. Okay. Okay. Du coup, il n'y a plus personne à l'équitation. Cindy, est-ce que tu peux passer d'un coup à l'équitation? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, quand même. Bien sûr, oui. Donc, vous connaissez votre rayon, mais vous pouvez improviser aussi, quoi. C'est ça. Voilà, d'accord. On doit savoir aussi un minimum aussi sur les autres rayons, quoi. D'accord, bah sauf que le mec qui veut faire d'équitation, tu lui vendras une machine step. D'accord. Donc en fait, il faut demander à avant, est-ce que vous remplacez Bernard, par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. C'est important. Quand vous allez chez Decathlon, que vous voyez Cindy, vous dites, dis-moi Cindy, est-ce que Bernard va mieux? On prend les nouvelles de Bernard dès qu'on achète quelque chose chez Decathlon. Je pense qu'on a fait une bonne pub pour Decathlon, Cindy. Comment? Je pense qu'on a fait une bonne pub pour Decathlon. Oui, tout à fait, là. Très bien. On te double ton salaire, 2 240 €. Ça arrive très vite c'est pour toi. C'est super. Je suis très contente. Et bien, nous aussi. Merci à tous. Merci à toi, 7h08. Ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Energie.fr, manudansle69.com ou l'application manudansle69. Attention, les amis. Dans 3 minutes, juste après Kenji, je vais vous faire écouter un message qu'on a reçu sur l'application Manu dans le 6-9. Ouais. Nouveauté dans l'émission. Oh. Restez bien là. J'aime bien ces trucs où on fait des nouvelles choses dans l'émission et c'est vous qui avez l'idée. J'adore. Enfant des villes ou enfant des foires, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. On passe à pleurer sa moncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Sur Énergie, il est 7h12. Imaginez, le téléphone sonne, vous décrochez et vous entendez ça. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous conduisez mal. C'est vexant, hein? Ouais. Il y a un truc qu'on n'aime pas s'entendre dire, c'est qu'on conduit mal. Mm-hmm. Et bien, c'est ce que Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, a fait. Et l'appel automatique de Georges arrive pour vous dans 3 minutes. On va s'écouter Kygo, Imagine Dragons. Mais avant ça, 7h12, c'est l'heure de parler politique. Ah, oula. D'accord. Allez, écoutez, hier, enfin, on a eu droit au remaniement du gouvernement. Ça y est, ouais, enfin. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous donne quelques noms. Oui. Christophe Castaner à l'intérieur, Didier Guillaume à l'agriculture, Jacqueline Gourault au territoire, Franck Riester à la culture et Sébastien Lecornu aux collectivités. Voilà. Ok, on est d'accord que l'objectif, c'était de choisir des noms que personne ne connaît. ou de choisir un maximum de gens avec des noms de profs de collège. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as le cornu en maths ? Oh, putain, t'as de la chance. Moi, j'ai Gouraud et Guillaume tout l'après-midi là. J'ai deux heures de, bio là. Ouais. C'est des noms de profs. Ouais, c'est, vrai. C'est génial. Et le ministre de l'Éducation nationale, j'ai vu qu'il avait 29 ans. T'imagines ? Ah ouais ? Moi, si j'étais sa mère, je serais trop fière, quoi. 29 ans, ouais. Ministre de l'Éducation nationale. Un petit genou tout mignon. Et, ouais, et on a déjà oublié son nom, du coup. C'est con, hein. C'est le principe des gouvernements. Hein. Ouais. Tu peux citer quel nom de ministre, globalement. Ouais, c'est vrai. Attention, les amis, je vais vous faire écouter un message qu'on a reçu sur l'application Manu dans le 6-9. Vous savez, de temps en temps, on fait quelque chose qui s'appelle le centre d'accueil des hommes. Ah, vous êtes un homme, vous êtes fait gronder par votre femme, par votre copine. Bah, vous venez le dire et on vous serre très fort dans les bras parce que c'est pas facile. Ouais. Écoutez bien ce message qui est arrivé. Salut les ouin-ouin. À quand le centre d'appel des femmes pour se plaindre des hommes ? Il y en a marre de vous entendre vous plaindre tout le temps. Nous aussi, on voudrait bien se plaindre de vous. Salut. Dont acte. Vous avez raison. C'est bien. Vous avez raison. Allez, lançons le centre d'accueil des femmes. Ah, génial. Ouais. Oh là là. Vous voulez vous plaindre de nous ? Ouais. Vous en avez marre qu'on mette nos chaussettes à côté ? Allez-y. 0870 42 48. Nous, ça y est, le standard est rouge. Nous ouvrons le centre d'accueil des femmes. On va prendre cher, quoi. Pendant 3 minutes. Ah, mais, alors moi, je sors du studio. Je vous laisse toute seule vous démerder. Non, non, non. On se fait ça juste après Kygo Imagine Dragons. Manu dans le 6-9. C'est Manu avec ses wawas dans le 6-9 sur Énergie. Ils sont là tous les matins, ça fait du bien. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. IM. Tous les matins, sous la douche, j'écoute Manu sur Énergie. C'est un petit peu notre moment à tous les deux. Merci Manu. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Alors excusez-moi, mais imaginez que Ayam est sous la douche et qu'elle nous écoute. Moi, j'ai la flafle. Oh. Voilà, c'est bon, c'est ce que je n'arrive plus à parler. D'accord. Il paraît qu'elle a sorti une collection de fringues Ayam. Hmm oh. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas très très habillé. Tu étais au courant, Paulette? Oui, j'ai vu. Et alors? C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ah, d'accord. Moi, j'ai vu du rouge à lèvres. Qu'elle avait sorti du rouge à lèvres. En fait, elle a fait cosmétique et fringues. Ah. Ouais. Oh. Ah ouais, elle a sorti les deux. Ah, non, c'est sympa, c'est basique. Franchement, je pense que j'achèterai. De toute façon, j'achète tout en voilà, ce moment. Voilà, c'est ça le truc. En fait. La Paulette, en ce moment, elle achète n'importe quoi. Elle voit un arbre dans la rue. On peut le déterrer pour le mettre chez moi. Non, madame. 7h18, voici l'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Pourquoi il est embarrassant? Parce que, par exemple, il appelle des gens pour leur dire qu'ils conduisent mal. S'il y a bien un truc qui nous énerve, c'est ça. Oh oui. Oui, allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Ceci est un message automatique. Oui. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous conduisez mal. Je conduis mal, oui. Mais c'est quoi ? Vous êtes une société ? Vous êtes qui en fait ? Vous pouvez vous présenter ? Vous avez forcément triché pour avoir votre code. J'aurais triché à l'examen, ça fait 10 ans que j'ai le permis. Oui, vous êtes qui monsieur en fait ? Vous êtes un danger public. Vous au volant ? Danger au tournant. Oui, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Et ensuite, vous faites quoi? Vous êtes chargé de faire quoi, en fait? Il est temps de réaliser que vous n'êtes pas un pilote. Mais je pense pas être un pilote. Vous êtes là en train de m'appeler. Je comprends même pas le but de votre appel, mais bon. J'ai trouvé un permis pour vous. Oui. Le permis trottinette. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Bon courage, soyez prudent. Non, non, non. Non, non, non. Non. C'est trop pour lui. 7h19, les appels automatiques de Georges, c'est tous les matins pour vous et c'est aussi en podcast sur manudansle69.com. L'appel automatique de Georges, manudansle69. 7h20, juste après Kygo et Imagine Dragons, nous les hommes, on va s'en prendre plein la gueule. Oh oui. Aïe. Allez-y, c'est le centre d'accueil des femmes, c'est le premier. Première fois qu'on le fait. Vous voulez vous plaindre de nous, vous êtes en couple, vous en avez marre. Allez-y, on va tout prendre. Et on souffle. Juste après Kygo.

Conforama, le confort pour tous. Quand on baisse de 70 euros le prix de la télé incurvée Samsung 125 cm Ultra HD à 629 euros seulement, on pense à tous ceux qui adorent les grandes marques à prix cassé. Conforama, jusqu'au 22 octobre, conditions magasin et sur conforama.fr. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment, chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allo padrone, va bene? Ah ça va, t'es chez Lidl? Ah oui, et c'est la semaine italienne ici. En ce moment, ils font les antipastis à 1,59€, les 140, 157 ou 180 grammes. 1,59€ les antipastis? Ah oui, et il y a du choix, hein. Tomates séchées, oignons, artichauts, petits champignons grillés, oh, un vrai régal. Mamma mia! Là, tu parles plus bas car tu es très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11,36€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt! Parce qu'entre C0, Imeari et Berlingo Electric, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën! Pendant les Electric Days jusqu'au 31 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89€ par mois. Location longue durée 36 mois 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590€. Bonus écologique et prime à la conversion déduit sous condition de reprise. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On vous offre la console de votre choix, la console de vos rêves, n'importe laquelle. Vous la voulez, on vous l'offre. 0 870 42 48. On joue au jeu des 5 mots et la console que vous voulez, elle est pour vous si vous gagnez évidemment. Oui. Ouais, c'est le principe du jeu. Oui. On va écouter Dan Balan, mais tout de suite, c'est les infos. L'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Soleil et douceur encore au programme aujourd'hui sur toute la France, ou presque. Les nuages sont un peu plus présents sur les côtes avec des averses persistantes pour la Bretagne et l'Occitanie. On attend 18 à Lorient aujourd'hui, 19 à Rennes, 20 degrés à Arras et 21 à Lille. On profitera encore de 22 degrés à Albi. Demain par contre, la pluie s'imposera sur les Pyrénées et le soleil partout ailleurs. Et dans l'actu ce mercredi, un paysage très loin des cartes postales. Les plages du Var redoutent une marée noire après la collision de deux bateaux au large de la Corse la semaine dernière. Hier, les premières galettes de mazout se sont échouées sur les plages de Ramatuel et de Saint-Tropez, désormais fermées au public. Malgré la tempête, il veut garder le cap. Emmanuel Macron a tenu à afficher sa détermination dans son allocution télévisée hier soir. Après de nombreuses démissions, le président s'est exprimé sur son premier remaniement ministériel majeur. Quatre nouveaux noms font leur entrée au gouvernement. Christophe Castaner, le chef du Parti En Marche, devient ministre de l'Intérieur. Original ou classique, c'est toujours un dilemme pour les futurs parents. L'officiel des prénoms se prépare à dévoiler son palmarès pour 2019. Et parmi les plus tendances, c'est Gabriel, Louis et Raphaël qui devraient s'imposer chez les garçons l'année prochaine. Côté fille, Emma reprend la première place à Louise et devance Jade dans le top 3. Il revient au pays. C'est aujourd'hui que Thierry Henry doit être officialisé comme entraîneur de Monaco. L'ex-attaquant de la Principauté est devenu le nouveau coach après le départ de Leonardo Jardim. Objectif, sauver les meubles. Monaco est 18e du championnat. Pour eux, en revanche, c'est la grande forme. Les Bleus se sont imposés 2-1 face à l'Allemagne hier en Ligue des Nations. Antoine Griezmann a inscrit un doublé après une première période compliquée. Prochain rendez-vous, ce sera le 16 novembre face aux Pays-Bas. Monopoly, la bonne paye ou Puissance 4, ils avaient le choix, mais ils ont voulu pimenter leur soirée autrement dans Le Jeu, aujourd'hui au ciné. Dans cette comédie, Vincent Elbaz, Doria Tillier et Stéphane De Groot décident de dévoiler le contenu de leur smartphone lors d'un dîner entre amis. Une drôle d'idée qui vire évidemment au cauchemar, mais pour Bérénice Bejo, c'est aussi une manière de dénoncer notre addiction aux réseaux sociaux. Tu vas sur mon compte Instagram, t'as pas une photo de moi en maillot de bain avec mes enfants ou en train de manger, bruncher un dimanche. En fait, ça me déprime de rentrer dans l'intimité de tout le monde. J'ai pas envie de voir ce que tout le monde fait, ce que tout le monde mange. J'ai l'impression que tout le monde va 10 fois mieux que moi. T'es en comparaison systématique, il y a des filtres sur toutes les photos. Enfin, je veux dire, moi aussi, si je veux dire faire croire à tout le monde que j'ai une vie extraordinaire, ce qui est le cas, je peux poster, tu vois. Non, moi, j'ai décroché ça depuis. En fait, j'ai mis un compte Instagram il y a peut-être 5 ans. Et vraiment, là, je voudrais en fait l'arrêter. Et puis tout le monde on nous dit non, mais c'est bien, ça permet aux gens de voir un peu ce que tu fais. Du coup, les gens savent ce que je fais et j'en reviens pas. Voilà, et autre sortie du jour, First Man avec Ryan Gosling dans la peau de Neil Armstrong. Voilà pour vos infos. Manu dans le 6-9 tout de suite, bon réveil sur Énergie. Je suis content les amis, je suis content, je suis heureux. Pourquoi ? Ah, ouais. Parce qu'on va s'écouter ça. On veut du Claudie Musa. C'est fait ça. J'avais dit que ça allait faire plaisir à tout le monde. Ah ouais. Trois cafés gourmands arrivent et c'est pas tout. Ah ouais. Si ça, c'est pas une journée qui démarre bien. Ah, on démarre fort là. Alors, aux zones, le retour. Avec Dan Balan, ça arrive pour vous. On va jouer au jeu des 5 mots dans 3 minutes. Vous nous appelez au 0870 42 48 pour gagner la console de jeu de votre choix. Avant ça, quelques infos. Info de télé. C8 a annoncé du changement dans sa grille. Ah bon ? Suppression de Strike, l'émission de la GAF. Ah oui. Ah. C'est fini. Et alors, suppression aussi de TPMP, donc Touche pas à mon poste, refait la semaine, présenté par Jean-Luc Lemoine. Et désormais, le vendredi, il y aura TPMP, présenté par Cyril Hanouna, puis... Dites-le avec Baba, présenté par Cyril Hanouna, puis Balance ton poste, présenté par Cyril Hanouna. D'accord. Ça commence à se voir qu'il n'y a qu'un mec à C8. Oui, bah ouais, c'est chaud là. Autre info, le disque de Johnny. Ah oui. Dans 2 jours sort le disque de Johnny, le disque posthume Mon pays c'est l'amour. 800 000 exemplaires, ils ont prévu. Ils ont prévu 800 000 exemplaires quand tu te dis que les cartons aujourd'hui c'est. Elle est 80 000. Bah ouais. C'est dingue. C'est 10 fois c'est plus. Dingue. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on sait déjà, il est disque de platine avant d'être sorti. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 100 000 précommandes. Oh, ah bon ? C'est génial. Donc avant d'être sorti, le mec, il a déjà un record. Ah ouais. C'est incroyable. Le disque sera, on le sait, le vendredi à minuit, immédiatement numéro 1 des ventes en France. Oh, c'est fort. Et du coup, derrière ça, vivement la tournée, quoi. C'est malin. Ça va être compliqué. C'est trop tôt. Excusez-moi, j'avais oublié. Mais quel lourd. Pardon. 7h35. Dan Balan sur Énergie. Et juste après, on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Vous voulez gagner la console de jeu de votre choix, la console de jeu de vos rêves, on vous l'offre. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. Et on joue dans 3 minutes. Bon réveil, c'est Manu dans le système, c'est Énergie que vous avez choisi. Bienvenue sur Énergie, il est 7h38, c'est mercredi, ça veut dire que c'est les jours des enfants. Ça veut dire que comme chaque mercredi, maintenant le standard vous est réservé. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Aussi la question que je vous pose. Quelle est la chose qu'on vous demande toujours de faire et qui vous saoule vraiment? Oulala. Le truc, quand on vous le demande, vous faites... Ah non, là vraiment, non, c'est bon, je fais mon baluchon et je pars. Mon baluchon. 0870 42 48, vous nous appelez. Avant ça, on va s'écouter 3 cafés gourmands et on joue au meilleur jeu radio du monde. Valérie, bonjour. Salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Bienvenue sur Énergie, Valérie. Tu vas jouer au jeu des 5 mots. Pour gagner la console de jeux vidéo de ton choix, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors moi, pour mon grand, j'ai un grand garçon qui a 11 ans, ça serait la PS4, il en rêve. Eh bien, la PS4 Pro, elle arrive pour toi, Valérie, ouais, si tu gagnes au jeu des 5 mots. Et je vais tout faire pour te faire gagner parce que c'est moi qui vais sortir du studio. Ouais, ouais. Cool. Attention, yeah. Valérie. Dans un instant, je vais sortir du studio, je serai dans le couloir, j'entendrai plus ce qui se passe. Isabelle va te donner 5 mots. J'ai vu toute l'équipe travailler sur les mots. C'est un travail d'équipe. Ouais. Ah, pour trouver 5 mots, les moins. Attention, ils sont mis. Non, ça c'est trop facile, ça c'est trop dur. Non, ça, ok, les 5 mots sont préparés. Après chaque mot, tu vas donner à Isabelle le premier mot qui te vient à l'esprit. Ensuite, je reviens. Elle fait pareil avec moi. Et dès qu'on a un mot en commun, c'est gagné, la PS4 Pro, elle est pour toi. Valérie, je te laisse. Je reviens dans une minute. Allez, vas-y Manu. Ouais, et moi, je compte sur toi. Allez Manu. Hein. Non, c'est moi qui compte sur toi, je t'ai sûr. Allez Manu. Rendez-vous tout de suite. Vas-y, ça y est, les sorties. T'es prête, Valérie? Je suis prête. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Assistant. Secrétaire. Eau. Lait. Profil. Silhouette. Erreur. Faute. Été. Hiver. Ok Manu, tu peux revenir. Manu revient. Ouais. Alors. Moi je sens très très bien. Ouais. Valérie. Ah ouais. Ouais. Valérie. Ah oui, je suis là. Comment c'était? Je croise les doigts. C'était pas facile, hein, mais je compte sur toi, je suis sûre que tu vas me faire gagner. Mais tu sais quoi? Plus c'est difficile, plus j'accepte le challenge. Envoie tes mots, poulette, on joue au jeu des 5 mots pour la PS4 Pro pour Valérie. N'oubliez pas que c'est pour son enfant. Mais ouais. T'aimerais pas, Isabelle, sortir des mots trop compliqués? Ah bah non. Allez, on y va. On y va. Assistant. Assistant maternel. Non, Valérie a dit secrétaire. Ah ouais, secrétaire. Ouais. Ah ouais. Oh. Oh, vin. Oh. Elle avait dit lait. Oh, lait. Ah, ouais. Deux salles, deux ambiances. C'était loin, celui-là. Ouais, tu vois, Valérie, je sors le samedi. Ça va aller. Ok, on y va, pas de panique. Il reste trois mots. Profil. Meurtrier. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu une enquête exclusive il y a pas longtemps ou un truc comme ça, il y avait le profil du meurtrier. Non. Rencontre. Tinder, je sais pas. Silhouette. Moi j'ai merdé. Ah ok, Valérie. Ouais. Je ne prends pas la responsabilité. Il reste deux mots, Valérie, allez, tout allez, est encore allez. Possible. Erreur. Tromperie. Oh là là, mais tu vas trop loin. Manu, simple, efficace, basique. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'avais dit quoi, Valérie? Moi j'avais dit faute, mais j'avoue que franchement les mots sont horribles. Ah ouais, ils sont. Non, je suis désolé, Valérie, c'est pas bien là. Il reste un mot. On se concentre. Allez, oui, bah oui, bon, t'es marrante. Été. Hiver. Oui. Ah ouais. Oh putain. Pardon, j'ai un mot. Ah Valérie, j'étais pas bien. On ça a va chaud. Ça oh, va trop fort. Ah ben tiens, oh là là, oh pas bien. Oh, merci. Oh, l'ascenseur émotionnel. Oh. Valérie, j'y croyais plus. La PS4 Pro arrive très vite pour toi, bravo à toi. Oh merci Manu, merci à toute l'équipe, merci. Qu'on m'amène une bouteille d'oxygène. Une bouteille de vin, je ne sais pas. Oula, voilà. À consommer avec modération. Je parle de l'oxygène. Manu. Non, du vin. Valérie, on t'embrasse fort, bravo à toi, la PS4 Pro elle arrive très vite. 7h42, on va s'écouter 3 cafés gourmands et juste après, si vous avez moins de 12 ans, le standard est pour vous. Quelle est la chose qu'on vous demande toujours de faire et qui vous saoule vraiment? 0 870 42 48. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer? belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monédières, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Si t'as les yeux qui brillent, à mon avis, Coco, prends pas la voiture. Trois cafés gourmands sur Énergie, on va écouter Drake. Et à 8h05, on double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Avant ça, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Ouais. Vous nous appelez au 0870 42 48 pour répondre à cette question très simple. Quelle est la chose qu'on vous demande toujours de faire et qui vous saoule vraiment? Ouais. Globalement, quand t'es enfant, tout ce qu'on te demande de faire te saoule. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a tout en haut de la liste, en haut de la pyramide? Evan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie, Evan, tu as quel âge? 8 ans. Ok, du haut de tes 8 ans, qu'est-ce que tes parents ou quelqu'un te demande et t'en as vraiment marre? M'habiller, je trouve que c'est une perte de temps et j'aimerais battre ma vie en pyjama. Mais je veux dire, Evan, c'est pas qu'il est trop mignon, c'est qu'il a raison. Ah ouais? On serait pas mieux si on était tous en pyjama? Pourquoi on est obligé de s'habiller? Pourquoi les gens ils sont obligés de mettre des chemises avec des costumes, avec des cravates? Pourquoi on t'oblige le matin à t'habiller alors que tu serais bien à l'école en pyjama, en chaussons? En plus, les chaussons rigolos, c'est quand même cool. On est d'accord, Evan? Oui. Mais bien sûr. Non, Manu, Evan, le truc, c'est que quand on va dans son lit, faut être tout propre et les vêtements de la journée sont sales. C'est pour ça qu'on se met en pyjama. Parce que le pyjama est tout propre. Mais tu restes en pyjama. Mais ouais, bah on serait tous égaux comme ça, tous en pijoux. Allez, exactement. Génial. C'est... Le soir, tu te mets en pyjama, tu passes la journée. Le soir, bah, tu changes et hop, et ainsi de suite. Ouais. En pyjama. On serait moins stylé quand même. Le pyjama, oh, c'est un peu lâche et tout. Paulette, c'est... le prend pas mal, mais je t'assure qu'il y a des jours où t'es venu. En pyjama. Et je pensais que c'était ton pyjama. T'es dégueulasse. Merci de nous avoir appelé, Evan. T'as totalement raison. Zoé, bonjour. Salut, Manu. Salut, les membres. Salut à toi. Salut. Respire Zoé, tout va bien se passer. Zoé, t'as quel âge? J'ai 8 ans. T'as aussi, t'as 8 ans. Qu'est-ce qui t'énerve quand on te demande de le faire? Moi, je déteste quand la maîtresse, elle nous demande de faire nos cartables parce que j'ai pas envie de me baisser et de chercher mes affaires. C'est vrai quoi? Pourquoi c'est pas la maîtresse qui fait nos cartables à notre place? Oh, coup de gueule. Eh, dis-moi Mélenchon là. On les a soumis à l'école. Pourquoi c'est pas la maîtresse qui ferait notre cartable? Pourquoi c'est toujours les travailleurs qui font les cartables? J'aimerais bien que la maîtresse elle aussi fasse notre cartable. Et pourquoi pas? Elle doit pas rigoler la maîtresse de Zoé. Hein. Ça doit filer droit. Hein. Oh. Oulala. T'imagines la maîtresse de Zoé jusqu'à minuit en train de faire des cartables, 50 cartables. Zoé, c'est vrai que imagine si elle fait les cartables de tout le monde, ouais. Le temps que ça lui prendrait. Ouais. Eh oui. Je suis désolé Zoé, ta théorie s'écroule. Mais t'inquiète pas, on peut quand même avoir une belle vie et bien s'amuser avec des théories qui s'écroulent, ouais. C'est l'histoire de ma vie. Je t'embrasse Manu, Zoé. Oui. J'aimerais bien te dire quelque chose. Me dire quelque chose. Samedi, ce sera mon anniversaire samedi. Et je te remercie de m'avoir appelé parce que c'est le plus beau cadeau que tu m'as fait. Oh, ouais, c'est mignon. Attends, c'est gratuit en plus, c'est génial. Ah ouais, c'est bien joué. Zoé, je m'attendais à que tu me demandes une PlayStation. Tu sais quoi, je suis presque choqué. Eh ben merci beaucoup Zoé, je t'embrasse très fort et je te souhaite un bon anniversaire en avance et un bon anniversaire pour l'année prochaine aussi, je prends de l'avance. Tu sais pourquoi? Parce que j'oublie toutes les dates d'anniversaire. Gros bisous. Gros bisous Zoé. Anaïs, bonjour. Anaïs, au revoir. Bah, je sais pas, elle répond pas. Gabin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie. Gabin, t'as quel âge? J'en ai 10, mais mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Ah wow. Non, mais là, Gabin nous fait une vanne. Hein. Vous pouvez non, pas avoir. Bien, c'est mon anniversaire. Ok, prouve-le. C'est pas une vanne. Prouve-le. Ah. Bah, j'avais 10 ans hier et aujourd'hui, j'ai 11 ans. Prouve-le. Bon bref. Comment te le prouver vu que t'es qu'à la radio? Eh ouais, Gabin, du coup pas de cadeau. Gabin, moi j'ai une carte d'identité. Moi aussi j'en ai une. On fait un concours ou quoi? Gabin, qu'est-ce qui t'énerve quand on te demande de le faire? Bah, ça me saoule quand on me demande d'arrêter de jouer à la play pour aller faire mes devoirs. Ouais, pareil pour moi. Tiens. Mais toi, t'as pas de devoirs. Bah, j'ai des devoirs, si. Des fois, il faut ranger les choses, il faut faire la vaisselle, il faut faire ces trucs-là. Ouais. Franchement, c'est comme les devoirs, hein, gamin. C'est vrai. Ouais, ouais. Tu vois, quand on grandit, les galères continuent. Hein. C'est génial. Ouais. Pour arrêter de jouer, tu te dis, allez, à 3, j'arrête. 1, 2, 3, et hop, t'arrêtes. Non, ça marche pas. Bah non. Franchement, je vais dire un truc, c'était aussi facile. Ça se voit que tu joues pas, toi. Ouais. C'est génial. Mais bien sûr. Mais évidemment, laisse tomber, Gabin, elle comprend rien. Je te souhaite une belle journée, Gabin. Merci de nous avoir appelés. 7h50, voici Drake. Bon vous, bon réveil. On est là, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Et dans 15 minutes à 8h05, c'est peut-être vous qu'on appelle pour doubler votre salaire. Bon réveil. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card and a code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for y'all, down for y'all, down for y'all always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for y'all always. KB, 7h53, bon réveil sur Énergie. On va écouter Calvin Harris sur aussi Alvaro Soler pour nous rappeler que oui, il était encore un peu là. À 8h05, on va doubler votre salaire. On est mercredi aujourd'hui, c'est le 17 octobre. Nous avons un anniversaire. Il a 78 ans. Trouvez qui c'est. 78 ans Non, mais j'éconne. C'est impossible à trouver, je Isabelle. Sais pas. Moi, je suis prête à jouer, Manu. Bah oui, je vois. C'est l'anniversaire du capitaine Haddock. D'accord. Dans Tintin. Alors, il faut savoir que le capitaine Haddock, c'est le personnage préféré des Français dans Tintin. Bah, devant Milou et devant Tintin. Ah ouais? Milou est 2, Tintin est 3. Mais non. Ah ce bon qui est quand même extrêmement vexant pour Tintin. Ah ouais. Déjà que le mec, il est pas gâté avec son prénom. Il est pas gâté avec sa coupe de cheveux quand même. Qui est... Non mais personne à part Tintin n'a la même coupe de cheveux. Ouais, ça n'existe pas. C'est vrai. Les pantalons là qui lui remontent au-dessus des chevilles, c'est grotesque. Ouais. Non, il n'a rien de bien. En plus, il passe derrière un marin alcoolique et un chien. Non. C'est pas sa journée à Tintin. Ouais. C'est pas vrai. Le capitaine Haddock, il est ultra sexy. Il a un côté un peu hipster. Je parlais de Tintin là. Mais c'est pas grave. Question, vous vous douchez combien de fois par semaine, Isabelle? Bah tous les jours, tous les matins. Nico? Ouais, minimum tous les jours. Ok, tout le monde tous les jours. Oui. D'après un scientifique américain spécialisé dans l'hygiène, il faudrait se laver idéalement seulement deux fois par semaine. Arrête. Mais non. Ah bon? Une douche tous les jours n'est pas nécessaire parce qu'en plus, on détruit le film protecteur qui protège notre peau. Ah ouais? En gros, en pensant faire du bien à notre corps, et ben en fait, on fait le contraire. Oh ouais. Et ben voilà. C'est sûr que c'est pas le mec qui a inventé l'étude là, qui est un peu flemmard et qui dit tiens, je vais essayer de convertir le monde à ça. C'est vrai que t'écoutes l'étude, c'est-à-dire qu'en se louchant que deux fois par semaine, on se fait du bien, mais est-ce qu'on fait du bien aux autres? Non, mais pour avoir déjà pris le bus aux heures de pointe, alors je vous le dis, la réponse est non. Allez, on vient tout de suite sur Énergie, on va écouter Calvin Harris, Alvaro Soler et on double votre salaire dans même pas 10 minutes à 8h05. Énergie. Manu dans 6-9, 0800 70 42 48. Appel gratuit. Vos stars énergie préférées vous attendent à Cannes. C'est Soprano sur Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux titres de Soprano à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister au Énergie Music Awards le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit music only. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Laure croise le responsable du rayon frais. Vous auriez de bons yaourts? Oui, pour deux packs de 4 pots de lait fermenté sucré aux fruits au Bifidus Activia, variété au choix acheté, le troisième est offert. Soit les 3 packs de 500 grammes à 2,42€. 2,42€? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère? Dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 1,61€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Le Ford EcoSport pour aller au travail, c'est pas mal, non? Et d'un autre côté, le Ford Kuga pour aller en forêt avec les enfants, c'est top. C'est vrai, mais quand on va en soirée, il nous faut le Ford Edge. On a parlé de l'EcoSport? Le plus dur, c'est d'en choisir un. Pendant les Ford Days, retrouvez la gamme Ford SUV à partir de 159€ par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. LLD 48 mois, 40 000 km pour un EcoSport Trend 1 litre, 100 chevaux, premier loyer de 2390€. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre, sous condition de reprise d'un véhicule éligible, selon stock disponible. Si acceptation par Bremen Elise, voir Ford.fr. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez? 10 Les forfaits Power. Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10€ par mois. Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein. Ah oui, Francis. Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible.

Excusez-moi, mais la France a encore gagné hier 2-1 contre l'Allemagne. Ouais, ça y est. Allez. On est invincible. Elle est invincible, cette équipe. Bon, on a eu les chocottes pendant 3 quarts du match. Si vous n'avez pas suivi ça, pendant les 3 quarts du match, on était mené 1-0. Ouais. Ah, bon, ah ouais, non, on était tendu. Ouais. Et c'est Grisou qui est arrivé. 2 buts. Pam, bim. Il est là. Et on a gagné 2-1. L'histoire ne retiendra que ça. Le score, j'aime ça. Ouais. 8h03. Calvin Harris arrive pour vous. On va doubler votre salaire dans 2 minutes. Avant ça, une info du cerveau. Ah ouais, okay. Si vous vous sentez souvent fatigué sans savoir récupérer, eh ben je sais pourquoi. Ah oui. Ah oui. Selon une étude, avec les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les emails, les SMS, les messageries, bon on voit tout ça, etc. Notre cerveau est surchargé d'informations. Ah bon? Eh oui. Ouais. Alors pour vous donner une idée, l'humanité produit autant d'infos en 2 jours qu'elle ne l'a fait en 2 millions d'années. Oh, ah c'est bon énorme. Purée. C'est ouais, au-delà mais... d'énorme. Wow. En fait, notre cerveau fatigue parce qu'il n'arrive plus à assimiler toutes ces infos. Mmh. Mais vous vous rendez pas compte, mais quand on est là, regardez le fil Facebook, etc. Ouais. Et ben on est là, regarde, on se prend plein d'infos dans la gueule. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis crevée, faut que je déconnecte en fait. Ouais, non, ça c'est différent, toi, c'est parce que t'as un vrai problème de dormir 15 heures par jour. Mais cela dit, t'as pas tort. Ouais. Mais oui. Les mecs, parfois, éteignez votre portable, éteignez votre téléphone, déconnectez, prenez un week-end et allez vous informer, non pas sur votre téléphone, mais naturellement, en allant visiter les musées. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Manu? Non, tu non, me non, fais Manu, peur. Voilà. Je t'adore. Reviens, Manu. Ah, pourquoi? Excusez-moi, je voulais juste dire le mot musée une fois à l'antenne. Allez, 8h04, on double votre salaire. Oh, Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Avant d'écouter Calvin Harris, c'est parti, nous allons doubler votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com. Ça prend quelques secondes. C'est ce qu'a fait Zoé. Elle habite Nice, elle a 22 ans et elle touche 1303 euros chaque mois. Zoé, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Décroche. Allô? Allô, c'est Zoé? Oui. C'est Zoé de Nice? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Ah, c'est Manu sur Énergie! Ah, oui! Zoé, ça y est, ça tombe sur toi, ça y est, ça arrive, et voilà. C'est génial. 1303 euros fois 2, ça fait 2606 euros, ça arrive très vite pour toi, on te double ton salaire. C'est génial, merci. Alors attention, excusez-moi, je parlais de musée en déconnant il y a quelques secondes. Zoé est guide touristique. Ah tiens. Tu fais visiter la ville de Nice, tu fais visiter quoi? Ouais, la ville de Nice, ouais. Oh, ouais. Mais pour qui, pourquoi? Je fais ça en Segway, si vous voyez ce que c'est, les machines électriques à deux roues. Wow. En fait, t'es pas guide touristique, tu te balades avec un petit truc qui avance, quoi, comme une trottinette électrique. Il faut quand même dire des commentaires derrière, il faut blablater, on s'amuse sur les Segway, mais pas que. Et mais c'est pourquoi, c'est qui s'inscrit pour faire les visites? N'importe qui, tous ceux qui veulent visiter la ville autrement qu'à pied, c'est un peu plus original. Oh, et tu montres quoi? Ça dépend, on a plusieurs visites différentes, donc la vieille ville, les jardins, la vue. Oh, voilà, c'est quand même ça sympa fait très, avec la mer. Ça fait très longtemps, en gros depuis le CP, que j'ai pas fait une visite avec un guide. Est-ce que ça te gênerait de imagine, on est en Segway, là, on rigole. Ah ouais. Et tu nous fais la visite, d'accord? Ok. Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La vieille ville, le château? Bah, c'est toi qui nous amène en Segway, hein. Nous château. On sait pas. Hein. Ok. Donc ici nous sommes sur la colline du château. Mais il faut savoir que sur la colline du château à Nice, il n'y a pas de château. C'est un bien peu dû. La petite, ouais. Nico, la petite blague du jour. Venez, on se bat en Segway. Allez. Non, vous êtes bridés là, vous restez. Non, on est parti. J'adore les visites touristiques. Zoé, on te double ton salaire, 2606 euros. Ça va, on a fait un peu de culture. Merci beaucoup. Il faut un petit peu. Bien sûr. On t'embrasse fort, Zoé. Bravo à toi. Merci à vous, merci à tous. 8h07, les concours du jour arrivent dans 3 minutes. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires juste après Calvin Harris sur Energy. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight, tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 8h10. Bienvenue sur NRJ, on va écouter Alvaro Soler dans deux minutes, mais avant ça, voici comme chaque matin des gens improbables qui font des choses improbables. Et aujourd'hui j'ai même envie de dire des gens qui font des choses que c'est pas possible que ça arrive et pourtant si ça arrive. Ok. On démarre en Israël, un homme réussit à s'évader de prison et se cache pendant plusieurs semaines chez sa mère. Jusqu'au jour où il en a marre et il décide de partir un petit peu à l'aventure en faisant du stop. Ouais. Et la première voiture qui s'arrête... C'est son gardien de prison. Oh là là. Oh là. Oh. Ah non. C'est pas possible que ça arrive et pourtant si ça arrive. Wow. Oh les retrouvailles. Comment ça va Patrick? Oh putain Bernard, comment ça va? Bah mieux que toi maintenant. Un homme, écoutez bien, a posté sur un forum de discussion une photo, pas n'importe laquelle, une photo de deux outils assez mystérieux qu'il avait trouvé dans la boîte à outils de son père. Et il se dit, mais à quoi servent ces outils? Donc il le poste sur un forum, en attendant les réponses. Ouais. Et les réponses arrivent. Et il s'aperçoit qu'en fait, ces deux petits outils, c'était des petits accessoires pour tétons pour des jeux sexuels sadomaso. Oh, mais non, non. Je vous rappelle que ces deux outils, il les avait trouvés dans la boîte à outils de son père. Là, le père doit prier pour qu'il ait pris un pseudo sur le forum, quoi. Oui. Il n'ait pas mis son vrai nom, parce que... Et puis, il doit prier pour que, en espérant que cette info ne sorte pas de chez lui. Ah ouais. C'est arrivé jusqu'en France, mec. Ouais. En Gironde, un médecin a été arrêté dans un hôpital alors qu'il y travaillait depuis 15 jours. La raison, il n'était pas du tout médecin. En fait, le mec avait volé une blouse. Et il prétendait venir d'un autre service à chaque fois qu'il allait dans un autre service. Oula. Donc en fait, personne ne le connaissait. Mais au bout d'un moment, les médecins ont quand même remarqué qu'il était un petit peu nul. Parce que quand on lui demandait quelque chose, il répondait toujours à côté. Ouais. Selon Doctissimo. Du coup, ils ont appelé la police, dans le doute. Mm-hmm. Et effectivement, le mec n'était pas du tout médecin. Il a quand même donné cette explication. Je voulais apprendre un nouveau métier. Alors, je m'adresse à toi, si tu nous écoutes, et à tous les gens qui voudraient avoir la même idée. C'est pour ça qu'on a inventé les écoles de médecine. C'est pour éviter qu'on apprenne sur le tas pendant une opération, par exemple, et qu'on fasse une partie de Docteur Maboul en vrai. Ce n'est pas gentil pour la personne. Merci de m'avoir écouté. 8h12, on revient tout de suite avec Alvaro Soler sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Coucou, c'est Lily Rose, mon papa c'est Manu. Et c'est pas facile tous les jours. Il est 8h13, dans quelques instants, Nico va partager avec nous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et les messages vocaux que vous envoyez sur notre application. Music only. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve, je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. J'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'écoutais déjà son père avant, et le père de son père, et le père du père du père du père du père du père. Bon, en fait, j'écoutais déjà Adam sur Radio Eden. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il était là, Michel Drucker, avant que la Terre soit là. Alors, vous savez que quand on lui demande le secret de sa forme physique, écoutez bien la réponse de Michel Drucker. Je ne bois pas, je ne fume pas, je travaille tout le temps, je ne dors pas tard, je fais du sport, de la prévention médicale, je ne mange pas n'importe quoi, et je vis avec la même femme depuis 45 ans. Oh, wow. C'est ouf. Oh, 45 000 ans. Ah. 8h16, Alvaro Soler sur Énergie. Juste après, Nico lit les messages que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux et sur l'application Manu dans le 6-9, vous en envoyez des messages vocaux. Quelqu'un a quelque chose à se reprocher dans l'équipe? Non. Oh, c'est l'histoire de ma vie. Non, pas vraiment. Enfin, non, vous êtes sûr, hein, sûr. Non, oui. Parce qu'on a reçu un message vocal de la gendarmerie. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oups. Grave. Tu vas voir, hein, tu vas voir. Mais réfléchissez quand même, au cas où. Aïe. J'ai rien fait, moi. On sait jamais. Ouais. Bon, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Perso, moi, je vais faire autre chose. Va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Sur Énergie, il est 8h20. Comme chaque matin, on démarre la journée ensemble. Vous pouvez venir avec nous et vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Ouais. D'ailleurs, on le sait, hein, que vous dites tout. On dit peut-être un peu trop de choses. Et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Nico lit tout. Nico écoute tout et il le partage avec nous chaque matin. Alors attention, on va rire là. Enfin, j'espère. J'espère. Ah. On va rire avec les blagues que nous font nos papas. Ah, on en a parlé hier, mais non, ouais. c'est vrai que c'est un problème. Quand le papa veut faire une blague et qu'il met tout le monde mal à l'aise. En a parlé hier effectivement dans l'émission. Il y en a eu d'autres sur Facebook, notamment Alban qui nous dit à la question quoi de neuf, mon papa sort toujours, bah la moitié de 18. Oh merde. C'est un peu lourd. Il est chiant. Une autre blague de papa de Romain qui dit chaque année mon père m'offre un carton vide à Noël avant de m'offrir le vrai cadeau. Ça je trouve ça drôle. Ça à la limite. Il faut jouer le truc en plus. Chaque fois il faut rire, un petit rire de complaisance quoi. En fait c'est drôle une fois. C'est vrai que la deuxième fois tu fais non encore papa la même vanne. Jeff sur Facebook, quand on passe à table, mon père dit train con, je fais le train, vous faites les cons. Je ne connaissais pas. C'est drôle, ça. Non, c'est pas drôle, Glandu. T'es prêt à être papa, toi. Une autre blague de papa de Sarah. Dès que je parle, mon père dit qui s'en fout. Manu, tu me l'as déjà fait, ça, quand je parle hors antenne pendant les disques. Bah là, par exemple, qui s'en fout. Et une petite dernière blague de papa d'Alicia qui dit au resto, il demande toujours au serveur on vous doit quelque chose ou c'est bon. Ah, la blague de genre, on part sans payer. C'est ça. Oh là là. Mais ça marche jamais. C'est les blagues de papa. Et voilà. Bon, tous les jours, on écoute aussi les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application Maillard en 6-9. Et ça vous dit qu'on parle de poil pubien ? Poil pubien, ouais. Ah, mais tu sais quoi, 8h22, c'est vraiment la bonne heure pour parler des poils pubiens. Ouais, mais ça va, c'est soft. Mais il y a juste quelqu'un qui se pose une vraie question à ce sujet. Bah attends, mais faisons-nous plaisir. Bah oui. Bonjour Manuel et Wainwain. Voilà, j'ai une question existentielle. Voilà, quand je prends ma douche. Je ne sais pas si je dois laver mes poils pubiens avec du shampoing ou avec du gel douche. Voilà, c'est terrible, je sais pas, j'hésite. Alors aidez-moi, s'il vous plaît. Non mais excuse-moi, mais c'est une vraie question. Ah oui, je t'avais dit, c'est fort, mais c'est bien. Ah non mais alors là, vraiment pour le coup, bonne question. C'est une vraie question santé à laquelle j'ai envie de répondre. Moi, j'utilise un pH neutre parce que c'est une zone très sensible et je vous conseille à tous de le faire. Non mais donc ça répond pas à la question. Bah ni savon, ni gel douche, ni du savon au pH neutre. Oh, mais c'est du savon alors. Oui, mais pas du, parce qu'il dit du gel douche ou du shampoing. Oui, mais ce produit que tu utilises. Ouais. Pour les poils pubiens. Je peux pas dire la marque. Non, mais c'est pas la question. Est-ce que tu t'en sers pour laver autre chose ? Non. Tu t'en sers que pour ça? Oui. Oh non. T'as un produit spécial poil pubien. Ouais. Non. Alors ça, c'est incroyable. Mais tu le dis pas au supermarché, ça. Excusez-moi, je cherche un produit pour mes poils pubiens. C'est bizarre, sinon. Tu l'achètes en pharmacie, vous connaissez pas. Et qu'est-ce que tu demandes à la pharmacie? Un truc pour les poils pubiens? Bah, oh là là, je sens que je suis partie sur un terrain très glissant, là. Ça, je sais pas comment t'es épilé. Mais Non, en tout cas, on sait qu'Isabelle utilise un produit spécial pour les poils pubiens. Pour un autre message vocal d'un enfant qui est quelque part un petit peu content en France, on va tous se reconnaître dans ce message. J'ai eu un 9 sur 10 avec Madame Chambon. En plus, elle est trop sévère. Mais c'est la phrase qu'on a tous sortie. T'es tellement heureux quand t'as un prof qui est hyper sévère et tu te tapes une bonne note. Ah, cette note, tu l'as dit à tes parents en rentrant. Ouais. C'est le premier truc que tu leur dis. Quoi. Ah oui, j'ai eu 9 sur 10 avec Chambon et 2 sur 10 avec. Dernier message vocal, vous m'avez dit que personne n'avait rien à se reprocher dans l'équipe, hein? Non. Tout à l'heure, je vous ai demandé, personne. A priori, non. Parce qu'on a reçu ce message de la gendarmerie. Salut, c'est Bernard Montluçon de la gendarmerie. C'était juste pour vous dire que tous les matins, c'était énergie dans la caserne. Salut, bonne journée. Tu nous as fait peur. Ah ouais, ça va. Tu nous as fait peur. La soirée émotionnelle. Enfin, du coup, on a quelque chose à se reprocher. Si vous êtes du côté de Montluçon et que vous avez besoin des gendarmes et que ça répond pas, c'est à cause de nous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. On les écoute tous et on les partage avec vous chaque matin. Soprano tout de suite pour vous. On est mercredi, c'est le 17 octobre. C'est l'énergie que vous avez choisi. C'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus parmi nous. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est prêt. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. On va revenir dans 3 minutes sur Énergie avec Jonas Blue. Et les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. Quand vous en achetez un, vous l'aurez pendant environ 11 ans. Oh. De quoi il s'agit? La réponse est dans 10 minutes dans les sondages du matin. Manu dans le 6-9. C'est Manu sur Énergie. Petite pastille pour le nez, hein. A tout de suite. Partez à Los Angeles. Voir l'artiste Energy Troy Sivan. En concert. This is Troy Sivan. Till Energy. Écoutez Koi sur Energy à 17h. Et faites partie des tout premiers à voir Troy Sivan sur scène. Vous partirez avec la personne de votre choix. Direction Los Angeles. Energy. It's music only. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est l'opération beauté chez Carrefour. Avec 50% de remise immédiate sur de grandes marques comme sur les gels douche Tahiti. Coco, vanille, orchidée, moi j'adore. Et encore plus avec 50% de remise immédiate. Résultat des courses, ça sent bon le bien-être et les économies. Jusqu'au 29 octobre, c'est l'opération beauté dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Profitez de 50% de remise immédiate sur de grandes marques comme sur le lot de 4 gels douche Tahiti. Carrefour. 4 x 250 ml, différentes variétés, modalités et listes des produits sur carrefour.fr. Écoute, ce matin, je vais chez Citroën Select et là, le vendeur me montre un SUV Citroën C3 Air Cross comme neuf avec navigation connectée 3D, garantie 3 ans. Et puis, il me dit que c'est une occasion. Alors, je lui dis, mais non. Il me dit, mais si. Mais non, mais si. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, SUV Citroën C3 Air Cross file moins de 20 000 km avec navigation connectée 3D est à seulement 14 990 € avec 3 ans de garantie offert. Citroën. Offre valable dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroenselect.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron. Allô, oui. Il s'étrouille. Non, c'est moi, patron, je suis chez Lidl. Et en ce moment, pour Halloween, ils proposent saut de bonbons en forme de citrouille ou de tête de mort à 4,99€. Moins de 5€ le saut, mais c'est des sorciers. Ah non, c'est le vrai prix. Votre petit-fils va faire une tournée de bonbons d'enfer. Et moi, je vais te jeter un sort, oui, tu es mal, hein. Oh bah, très mal, j'en ai bien peur. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Saut de 400 ou 500 grammes, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Saint-Jacques a dit, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Dès aujourd'hui, chez Intermarché, les coquilles Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à prix coûtant. C'est le prix du jour et c'est seulement jusqu'à demain. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Coquille Saint-Jacques Pecten Maximus, dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme, ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days, c'est chez Ford. Offre TVA sous forme de remise de 7,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit au taux 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre, voire Ford.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Manu dans le 6-9. 6h-9h30 sur Énergie. Il est 8h31, on va s'écouter Jonas Blue. Et juste après, comme chaque jour, c'est les sondages du matin. Quand vous en achetez un, vous l'aurez pendant environ 11 ans. Qu'est-ce que vous avez chez vous depuis 11 ans? La réponse dans 10 minutes. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Soleil et douceur encore au programme aujourd'hui sur toute la France, ou presque. Les nuages sont un peu plus présents sur les côtes avec des averses persistantes pour la Bretagne et l'Occitanie. On attend 18 à Lorient, 19 à Rennes, 20 degrés à Arras, 21 à Lille. On profitera encore de 22 degrés du côté d'Albi. Demain, la pluie s'imposera sur les Pyrénées et le soleil partout ailleurs. Dans l'actu ce matin, adieu maillot de bain, bonjour pelle et sac poubelle. L'inquiétude monte sur les côtes du Var où les premières galettes de mazout se sont échouées hier. Elles proviennent directement de deux bateaux entrés en collision au large de la Corse la semaine dernière. Pour le moment, impossible de savoir la quantité de pétrole qui pourrait arriver. Un plan de nettoyage a été déclenché et les plages sont fermées de Ramatuelle à Saint-Tropez. Droit dans ses bottes, Emmanuel Macron a promis de garder le cap et d'être un peu plus souple dans une allocution télévisée hier. Le président s'est exprimé après son premier remaniement ministériel majeur. Quatre nouveaux noms font leur entrée au gouvernement. Christophe Castaner, le chef du parti En Marche, devient ministre de l'Intérieur. Classique et court, c'est la tendance qui se dessine parmi les prénoms préférés des Français. Selon le palmarès 2019, c'est encore Gabriel, Louis et Raphaël qui devraient s'imposer chez les garçons l'année prochaine. Côté filles, Emma reprend la première place à Louise et devance Jade dans le top 3. Un champion du monde sur le retour, événement à Monaco aujourd'hui, le club de foot doit officialiser l'arrivée du nouvel entraîneur Thierry Henry. L'ancien attaquant de la Principauté a pris discrètement ses fonctions en fin de semaine dernière après le départ de Leonardo Jardim. Et il va y avoir du boulot, Monaco est 18e du championnat. Pour eux en revanche, le moral est au beau fixe, les Bleus se sont imposés 2-1 face à l'Allemagne hier en Ligue des Nations. Antoine Griezmann a inscrit un doublé après une première période plutôt compliquée. Prochain rendez-vous, ce sera le 16 novembre face aux Pays-Bas. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ryan Gosling se glisse dans la combinaison de Neil Armstrong pour First Man aujourd'hui au ciné. Dans ce biopic, le Canadien incarne le premier homme à avoir marché sur la Lune en 69. Un exploit technique pour l'époque et une véritable aventure humaine. La conquête de l'espace était une aventure intense et dangereuse à cette époque. Et le film montre ça et aussi combien il était difficile de mener de front vie de famille et vie de cosmonaute de l'extrême. J'ai eu l'occasion de voir la capsule Apollo 11 en vrai et grâce à mes visites à la NASA, j'ai pu m'asseoir dans tous ces vaisseaux utilisés par les astronautes. J'en ai rencontré aussi certains qui ont été impliqués dans ces voyages. C'est une opportunité incroyable que j'ai eue, rien que d'y penser, c'est surréaliste. Ryan Gosling à l'affiche de First Man, également au ciné aujourd'hui, le flic de Belleville avec Omar Sy en Eddie Murphy parisien. Voilà pour vos infos, Madu dans le 6-9 tout de suite sur NRJ, bon réveil. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, ce sera juste après Jonas Blue. Et avant ça, j'ai deux réponses à deux questions très importantes. Ah, génial. Je vais répondre à ces deux questions, écoutez bien. Première question, comment réagir lorsque l'autre vous annonce qu'il a été infidèle? Ouf. Aïe, aïe, aïe. Deuxième question, et je vais commencer par elle. Pourquoi on est malade quand on lit en voiture? Oh, génial, ça j'adore. Super intéressant ça, Manu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades en voiture. Effectivement. Wow. Non, merci, effectivement, merci. Docteur. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont malades en voiture. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment le bleu. J'ai en tout cas la réponse à la question. Ouais. Selon une étude américaine, en fait, pour notre cerveau, lire égale immobilité. Du coup, lire en mouvement, c'est incohérent pour notre cerveau. Il pense qu'on l'empoisonne. D'accord. Vraiment. Ok. Et la première chose qu'il fait est de se débarrasser du poison, c'est-à-dire de le vomir. Ah ouais? Et oui, quand on est malade et qu'on vomit, c'est parce qu'en fait, on a mangé un truc qui n'était pas bien pour notre corps. Ouais, donc le corps le rejette. Et pour lui, quand on lit en mouvement, c'est pas bon, il pense qu'on l'empoisonne, bim. Donc il faudrait lire dès notre plus jeune âge en voiture, quoi. Il faudrait toujours être en mouvement quand on lit. Non, c'est pas ça que la conclusion. La conclusion, c'est que lire tue. Ah, c'est une autre conclusion possible. Ça marche. Donc j'aimerais bien que maintenant, comme pour les paquets de clubs, sur les livres, on marque lire tu et qu'on mette des photos de gens qui vomissent. Les enfants, n'écoutez pas Manu, lisez. C'est bon, ils sont déjà à l'école. J'ai, selon une étude française, la manière dont on doit réagir quand notre partenaire nous annonce une infidélité. Mais c'est quasiment incontrôlable. Comment on peut contrôler ça? Eh ben, il faut. D'accord. Il faut se contrôler, Paulette. Il faut savoir être fort. Okay. Dis-nous. Écoutez bien. Vous devez vous demander si vous n'êtes pas responsable de la tromperie. Essayez de comprendre le mal-être de votre partenaire. Prendre du recul. Discuter sans crier. Et accepter l'infidélité. Cela vous aidera à mieux gérer. Signé une étude d'un mec qui a visiblement des choses à dire ce soir à sa copine et qui prévoit le coup. Il est bon. 8h36, les sondages du matin arrivent dans 3 minutes, juste après Jonas Blue sur NRJ. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna rise till we fall. They think we just dropped out, living at our mom's house. Parents must be so proud. no is we don't care. We're gonna keepin' on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. Sur Énergie, hier on n'a pas eu le temps de faire le ça ou ça, on va le faire ce matin. Ah, si vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas. 0870 42 48. Le principe il est très simple, il est très con, puis il est très basique, il est comme nous. On dit deux choses et on doit décider entre les deux. Ouais. D'où le nom ça ou ça. Ah, j'avais prévenu, c'est con, c'est nous. Hein. Ouais. Avant ça, voici les sondages du matin. On va écouter MHD juste après. Premier sondage du matin. Nous sommes 78% à les garder alors qu'on ne s'en servira sans doute plus jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait quasiment tous, ça. Nico. Les baguettes des restos chinois. C'est pas ça. Gordu. Des punaises. Non, oh, c'est pas idiot. Ouais. Les vieux chargeurs de téléphone. Non plus. Non. Ça a rapport avec la cuisine ou pas du tout? Rien à voir avec la cuisine. D'accord, rien. Okay. C'est quelque chose de petit qu'on peut ranger dans un tiroir, par exemple? Absolument. Et souvent, on les range dans les tiroirs. Ah, et ça okay. reste là. Des piles usagées? C'est pas les piles usagées. On s'en sert tous les jours, nous, ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Justement, on s'en sert à un moment, ouais. et après, plus du tout. Mais il nous en reste, on le garde. Voilà. Je vais vous dire ce que c'était, les médicaments sur ordonnance. Ah ouais, ah bah ouais. Vous êtes malade, le médecin vous fait une ordonnance, vous prenez ce médicament, sur la tablette, il reste deux trucs, vous dites, ouais. on sait jamais, je ouais. les garde. Non, faut pas faire ça, et en plus, on peut les rapporter à la pharmacie, dans un petit sac, il les récupère, ah oui. les vieux médocs. Alors, c'est vrai ça ou oui, pas? Oui, c'est vrai, moi je ouais. le fais. Ouais, mais ouais. Il les récupère, mais il les donne à un mec qui fait la collecte. Mais qu'est-ce que tu fais avec deux petites tablettes? Je crois que c'est pour recycler après quoi. Ouais. C'est ça en fait. Recycler les boîtes et tout. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Elle est bien cette discussion ou pas? Oh, je suis pas sûr. Chacun donne une note à la discussion qu'on vient d'avoir. Sur 20, 2. Ah, j'aurais mis 2 aussi. C'est ok, c'est bon. Alors ça veut dire qu'on peut passer à autre chose. Ouais. Nous sommes 18% à avoir déjà dormi à cet endroit. Quel est cet endroit? Aux toilettes? Non. Dans une salle d'attente de médecin? Non plus. Dans une boîte de nuit? Ça sent le mec qui se remet tranquillement de son week-end. Pas du tout. Nico. C'est un endroit où il y a un lit ou pas du tout? Alors pas du tout. Non, okay. c'est vraiment. Je vais dire un truc. Ouais. On paye même pour ne pas dormir et pourtant on s'y endort. Ah. Et ouais. Ah bah au ciné. Au cinéma. Ouais, mais tout le temps. Mais moi ça m'est déjà arrivé. Mais nous le problème c'est qu'on se lève à 4h30 le matin. Ouais. Tu vas au cinéma à 14h, à 14h20, tu dors. Hein. Ah ouais, tu vois les bandes annonces. Ouais, sympa. Exactement. Et les petites pubs avant, t'as le temps de manger ton popcorn et tu dors. Voilà, c'est ça, c'est bien, on est bien. Ça, les sièges sont confort et en plus la lumière est tamisée, donc forcément tu dors. Oui, non, mais après, ça fait cher la sieste quoi. Ah oui, c'est le problème. Quand vous en achetez un, vous l'aurez pendant environ 11 ans. Réfléchis à ce que vous avez chez vous, on l'a chez nous. Qu'est-ce que vous avez depuis peut-être depuis 11 ans? Un cuivapeur. Un quoi? Un cuivapeur. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Oh, Nico, oui. C'est dans les toilettes ou pas? Non, tu pensais à quoi? Au balai. Oh, 11 ans. Oh, bah non. Bah, les gars, là, 11 ans. Ah ouais. Oh. Ça. Oh, alors là, non. On parle. Bah, je retire ce que j'ai dit. Hein, je suis désolé. Tu parlais pas pour toi? Non, je parlais pour mon frère. Quand vous en achetez un, vous l'aurez pendant environ 11 ans. Paulette? C'est électrique. C'est électrique. Un téléviseur? Non. C'est plus petit qu'un téléviseur. Et c'est dans la cuisine? Oh oui, c'est dans la cuisine. Un mixeur? Non. Un grille-pain? Bonne réponse. Wow. Quand on achète un grille-pain, on l'aura pendant environ 11 ans. Ah oui, ouais. Ça nous lâche pas ces petites bêtes. Mais non, et puis on s'attache. Hein. Ouais, aussi, ah bah, oui, c'est vrai. C'est autant un chat, non, mais un grille-pain. Non, ah. 8h43, on va écouter MHD tout de suite. Les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. Dans 3 minutes, on se fait un ça ou ça? Ouais. Vous pouvez nous rejoindre 0870 70 42 48. Dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. M'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je le ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Seeing you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance. Now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah. With your sexy body, come and chop my money. Yo. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we Maya, they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chiller pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. C'est l'énergie que vous avez choisi. Premier mot que j'ai envie de vous dire, pardon. On est avec vous pour démarrer la journée, c'est les ouin-ouin du matin. C'est Malu dans le 6-9, tout le monde est là avec moi. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Paulette. Yo. Il y a Nico. Salut. Il y a Glandu. Coucou. Il y a vous avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48, c'est notre numéro de téléphone et c'est gratuit. On va s'écouter Labyrinthe dans 2 minutes, mais avant ça, on n'a pas eu le temps de le faire hier, on le fait maintenant. Le ça ou ça. Ah, ouais. Le principe, il est super simple. On dit deux choses et les autres disent ce qu'ils préfèrent entre les deux. Yes. Le nom, ça ou ça. Allez, ouais. Glandu. Passager ou conducteur? Ça dépend qui conduit. Oui, c'est vrai. Bah, non, mais oui. Ça se tient. Par exemple, tu me dis, avec un enfant qui conduit, je dis, je reste le trottoir, je conduis. Une personne qui a le permis depuis plus d'un an, allez. Ah, vraiment, ça dépend qui. Hein. Ah ouais, c'est une question de, non, c'est une question de confiance quoi. Ah. Tu préfères être aux commandes, ça veut dire ça. Ouais. Ça c'est la phrase. Ouais. Non, ouais, ouais, ouais. Oh. Allez, conducteur. Ouais. Passez ouais, jouer ouais. Conducteur moi. Bon, non, laisse-toi faire, Manu, c'est sympa. Moi, je préfère conduire par exemple. Oui, c'est ce que je viens de dire. Conducteur. Ouais, conducteur. Non, c'est génial ce que tu fais. Parce que je dis, je préfère être conducteur. Et toi, tu me dis, mais non, laisse-toi faire. Moi, je préfère conduire. Oui. En fait, tu fais exactement ce que j'ai dit. Ouais. Oui, mais pas pour la même raison. Moi, c'est parce que je suis malade en voiture. Mais toi, c'est parce que t'as pas confiance. Oui. Bah, j'ai pas envie d'être malade non plus parce que moi j'ai pas envie de mourir. Malade, mourir, c'est pareil. Hein. Ça ou ça, on a Anne qui est avec nous au téléphone. Bonjour Anne. Bonjour. On t'écoute. Moi c'est plutôt conductrice aussi. Hein. D'accord. Ah ok, voilà. Et là, ça c'est réglé. Alors je croyais que t'avais un ça ou ça à nous proposer, mais tu peux rester avec nous pour discuter. Mais oui, j'ai un ça ou ça. Ah. Alors mon ça ou ça, c'est plutôt stylo à billes ou stylo plume. Ouais, moi je suis plutôt conducteur. Non, parce que Anne, d'après ce que j'ai compris, il faut qu'on lui réponde de façon décalée. Ouais. Stylo à billes ou stylo plume? Qui après le collège utilise encore un stylo plume? Je ne sais pas. Moi aussi, je suis stylo à billes à fond. Je ouais. comprends. Je bah le ouais. stylo à plume. Et en plus, je trouve pas ça spécialement plus beau. Et un truc qui va parler à tous les gauchers, c'est que le stylo plume, ça bave. Parce qu'avec ta main gauche, tu écris dessus ensuite. Ah ouais. Et de tu ouf. Fais baver le truc. Ah ouais, ouais oui, ça repasse dessus. Ouais. Ouais. Et moi, je suis gauchère, j'ai énormément souffert de cette période de stylo plume. Ouais, ouais. Non, mais parce que c'était moche, quoi, tu vois, quand j'écrivais. Après, on peut se faire une petite nostalgie du collège avec un petit effaceur, un stylo plume, et c'est sympa. Bah oui, il y a ceux qui bossent et ceux qui font comme toi. Merci de nous avoir appelé, Anne. Ça ou ça, Nico? Jean ou pantalon? Jean. Ah, je suis très pantalon, moi, depuis quelques semaines. D'accord, mais t'as l'air pas. Non, mais ça fait plus smart. Ça fait plus smart, franchement. Alors, ouais, ouais. C'est vrai que ça fait plus adulte. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, ouais. Je te l'ai déjà dit. Hein. Ouais. Depuis quelques semaines. Tu as changé. C'est vrai? Oui. Tu es devenu. Tu es en train de passer de l'autre côté de la force. Ouais, bah j'ai bientôt 30 ans, je pense que c'est un cap dans ma vie. Quoi. T'es pas obligé, mec. Ah ouais? Ah ouais, t'es non. Pas obligé de lâcher les jeans. C'est vrai. T'es pas obligé de t'acheter les chaussures en bois, là, les trucs. Ah ouais, non, j'aime bien, c'est beau ça aussi. Ça ouais, ouais, beau, ouais, mais non, c'est limite chaussures de croque-mort et tout. Non. Fais attention, Nico. Ouais. Ok, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. D'accord, ok. Ça ou ça, on continue un petit peu. Allez, on y va, Isabelle. Été ou hiver? Été, hein. Ouais, moi ouais. Aussi. Ok. Ouais, pour l'hiver en terrasse. L'été, t'es en terrasse, tu passes l'après-midi là. Bon, les petits verres, c'est sympa, quoi. Ouais. Dorian, bonjour. Salut, moi. Bienvenue sur Énergie, Dorian. Écoutons ça ou ça. Plutôt pas de carbo ou pas de boulot? Oh ah. Imaginez. Ouais. C'est dur. Imaginez. Jusqu'à la fin de votre vie, vous ne pourrez manger que des carbo ou que des bolos. Ah bah. Qu'est-ce que vous prenez? Que les bolos, il y a de la viande et de la sauce, c'est non. Bon ça. Ouais, mais dans les carbos, il y a de la crème. Ah ouais. Non. Il y a de l'œuf. Non. Alors, ah ouais, carbo direct. Carbo. Ah ouais. Ouais, moi aussi, bon carbo, j'aime bien les petits lardons. C'est quoi? On va pas se faire chier. Dorian, ouais. On le prend pas mal, on va prendre tous des lasagnes. Merci de nous avoir appelé Dorian. 8h49, on va s'écouter Labrine tout de suite avec Sia. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Pareil. Tu fais bien. On va écouter The Prince Corman avec les Little Bitches. Ça arrive pour vous après les infos de 9h. Je voulais qu'on s'écoute Jennifer aussi. Oui, on l'écoute pas beaucoup dans l'émission, le dernier. C'est vrai. Notre île, on va s'écouter dans 2 minutes. Cool. Avant ça, quelques infos. Mm-hmm. J'ai les personnes qui galèrent le plus en ce moment pour faire des vues sur YouTube. Ah. Ces personnes sont les hommes politiques. Ah, ah bon ouais. Selon les chiffres, la plupart des hommes politiques ne dépassent pas les 100 abonnés. Oh non, 100 oh là abonnés. Là. Ouais, ouais, ouais. Et même le président, il a seulement 28 000 abonnés sur YouTube. Mais ouais. Ouais, mais ils font des vidéos trop longues, tu vois. Il faudrait qu'ils fassent des trucs à la normale, un peu rapide, coupé, quoi. Ouais, faites des tutos beauté, quoi. Là, finalement, ça, là, alors, ça marche. Voilà. Et si tu nous écoutes, Emmanuel Macron, n'hésite pas. Deux, trois bonnes astuces de maquillage, ça passera. Du maquillage à l'érection, il n'y a qu'un pas que je franchis. Ah oui ? Ouais. Nous allons parler des petits problèmes d'érection. Ah. Selon un sondage IFOP paru hier, 64% des Français, donc plus d'un homme sur deux, a déjà eu un problème d'érection. Quoi ? C'est énorme. Ouais. Wow. T'as jamais eu de problème d'érection glandu? Ok. Pas de ça chez nous. Ok, donc toi tu fais partie des 36% de menteurs. Ouais. Non, bah pourquoi menteurs? Pourquoi? Ça tout marche bien, excuse-moi. Nico, t'as jamais eu de problème d'érection? Ça a dû m'arriver, mais genre d'être un peu en dessous, quoi. Pas complètement, mais. Ah, mais moi ça m'est arrivé, moi. Ah ouais? Ah bah oui. Souvent? Souvent, bah, c'est pas. Une fois sur deux, c'est beaucoup. Ouais. Oups. Non mais oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a pas de honte à ça. Il paraît que quand on a une nouvelle amoureuse, par exemple, eh ben c'est hyper difficile de faire l'amour parce qu'on a on est trop ému. Ah ouais. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Non, ça c'est l'excuse. Ouais. C'est l'excuse qu'on donne. Ah bon. Alors il faut savoir que 54% des hommes qui ont eu des problèmes, en fait, ça leur est arrivé dans l'année. Donc c'est tout le temps. Ah ouais. Franchement, c'est injuste. Parce que des fois, on a une érection en pleine journée sans qu'on ait rien demandé. Et pile au moment. Non, parce que vous, les filles, vous comprenez pas ça. Ouais, ouais. Et pile au moment où on veut que ça marche, la panne. Parce que dans la journée, tu te dis jamais j'ai une panne. Ah ouais. Mais non. Putain, t'es dans le bus et là, tu te dis oh non, pas maintenant, c'est mais ce soir. Mais oui. Vous êtes bizarre. Dans l'avion. Ouais. Mais oui, écoute, on a rien à foutre, t'es en train de boire ton jus de tomate et la c'est bim. Mais pourquoi ouais. Ouais. Pile quand il faut se lever après pour récupérer ses bagages. Mais ouais. Non. C'est compliqué. Pas là. Mais donc là, c'est ultra vexant, ça veut dire que t'es plus excité par un jus de tomate que par non. une panne. Non. Mais non, mais c'est qu'il y a des fois quand t'y penses pas, ça vient tout seul. Et des fois, peut-être que t'y penses trop. Et là, la pression, vous mettez la pression. Je sais pas, c'est comme si tu mettais du diesel à la place du super. Ouais. Faut pas dire à la fille, dans l'avion, ça marchait, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas très sympa. Quoi. Ouais. Ah, c'est bizarre, avec toi, ça marche pas alors qu'avec un jus de tomate. Écoute, j'aime mon zizi, mais parfois, c'est un sacré con. Voilà. Oh. 8h55, on revient tout de suite. Later, bitches. On va s'écouter The Prince Karma, ça arrive après les infos de 9h. Bienvenue sur Énergie. Manu. Il s'appelle Manu. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. On ne s'arrêtera jamais avec ces jingles. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Hello everybody. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Welcome. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards avec Rifix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Le Ford EcoSport pour aller au travail, c'est pas mal, non? Et d'un autre côté, le Ford Kuga pour aller en forêt avec les enfants, c'est top. C'est vrai, mais quand on va en soirée, il nous faut le Ford Edge. On a parlé de l'EcoSport? Le plus dur, c'est d'en choisir un. Pendant les Ford Days, retrouvez la gamme Ford SUV à partir de 159€ par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. LLD 48 mois, 40 000 km pour un EcoSport Trend 1 litre, 100 chevaux, premier loyer de 2390€. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre, sous condition de reprise d'un véhicule éligible, selon stock disponible. Si acceptation par Bremen et Lise, voir Ford.fr. Amis voyageurs, notre voyage continue. Wow, vous avez vu comment on va vite? On a pris les voies rapides de la fibre de SFR, c'est incroyable tellement ça fuse! Et toute cette vitesse pour seulement 15€ par mois, ça décoiffe vraiment! Accrochez-moi vos cheveux! En ce moment, chez SFR, les bons plans ne s'arrêtent plus. Jusqu'au 22 octobre, la fibre starter est à seulement 15€ par mois pendant un an, puis 41€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, it music only. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le petit-déj de Marion qui change. Avec 70% en cagnotte sur les céréales Lyon. Moins 70% Marion, pour faire le plein d'énergie. Avant les embouteillages, les réunions, les blagues nulles de tes collègues. Allez, régale-toi. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent moins 70% en cagnotte sur les céréales Lyon 1,50 kg. Et votre petit-déjeuner change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'à mardi, voire conditions en magasin. Pour votre santé, évitez de grignoter.